Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue, il est à 20h30, on est en direct sur Arc-en-Ciel, c'est l'arrêt d'Arc du Sport, le retour après plusieurs semaines d'absence, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission, avec un gros programme ce soir qui nous attend, je le rappelle, avec évidemment toute l'actualité foot du week-end, on va revenir sur la journée de Ligue 1 du week-end, avec évidemment tous les résultats, on reviendra sur victoire du PSG, de Monaco, et puis également les défaites hier de Lyon, notamment toujours dernier de Ligue 1. Le reste aussi bien sûr de l'actualité dans l'Europe avec les résultats en Angleterre, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Et puis bien sûr la journée de Ligue des Champions cette semaine. On sera avec Hugo tout à l'heure qui sera bien sûr l'expert foot en direct pour débriefer toute cette actualité foot. Ce soir également du rugby avec l'affiche de la finale de la Coupe du Monde. On reviendra sur cette finale Afrique du Sud Nouvelle-Zélande. Et les demi-finales du week-end, bien entendu. On présentera cette affiche. Et puis également du tennis. Gaël Monfils, vainqueur de son 12e titre en carrière. Vainqueur à Anvers. On y reviendra puisqu'il est repassé dans le top 100 après ce titre. Et puis l'actualité aussi dans le reste du monde du tennis. Et puis on aura aussi du basket ou encore du handball. Un gros programme donc ce soir avec des directs qui vont s'enchaîner aussi tout au long de la soirée, je le rappelle. Du foot, Laval, Saint-Etienne, ce sera en Ligue 2 à 20h45. On aura aussi Tottenham, Fulham, ce sera en Angleterre à 21h. On aura aussi Valence, Cadix en Espagne, toujours à 21h. Et puis, en direct, c'est en national, le Red Star, leader du national, qui mène 2-0 pour le moment sur sa pelouse face à Cholet. Ce sera la deuxième période qu'on suivra donc tout au long de l'émission. Et puis aussi en Italie, on aura un match. On y reviendra dans un instant, donc tous les directs tout à l'heure. Et puis comme chaque fois, chaque semaine, vous choisissez la programmation musique. C'est vous qui faites cette programmation. N'hésitez pas sur le Facebook l'arrêt d'Arc du Sport, vous programmez tout ça et on vous passe les sons tout au long de la soirée. Et puis je rappelle donc avec nous Hugo tout à l'heure pour la page foot. On démarre avec une première pause et puis on se retrouve juste après pour démarrer cette première partie avec le programme qui nous attend. C'est parti, c'est Oasis qu'on on écoute tout de suite avec Wonder Wall. Juste après notre première partie de l'émission, les 20h. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. We'll be right back. instant pour donc ce premier cette première pause musicale. On est de retour donc pour démarrer avec cette première partie d'émission. Je rappelle, on va évidemment tout balayer ce soir. On aura Hugo qui sera avec nous d'ici une heure à peu près, hein, pour balayer toute actualité et foot. Il y aura beaucoup de choses encore ce soir. Et puis sinon, évidemment, il y aura avant cela tous les autres résultats du week-end. Je rappelle les directs, donc on va suivre ce soir, il y aura pas mal de directs encore. Hein. On aura donc la deuxième période de Red Star Cholet, ça c'est en national. Le leader Red Star qui reçoit Cholet, 2-0 pour le moment, ça vient de reprendre pour le début de la seconde période. On aura également, et puis je rappelle qu'un petit peu plus tôt, Rouen et Avranches se sont quittés sur un score de 0 partout. C'était un petit peu plus tôt dans cette 11e journée de National. On aura également toujours pour la partie football en direct, on aura en Italie Fiorentina Empoli, ça ce sera à 20h45 ce direct, Bein Sport 4 si vous voulez suivre le match. Toujours 20h45 Laval Saint-Etienne, ce sera Bein Sport 1 pour suivre cette rencontre. Le leader Laval qui reçoit Saint-Etienne 6e. Belle affiche ce soir. Et puis à 21h, deux rencontres. En Angleterre, Tottenham, Fulham, ce sera Canal Plus Foot pour suivre cette rencontre. Et enfin en Espagne, 10e journée de Liga, Valence, Cadix. Et là, vous pouvez suivre sur Bein Sport 5. Voilà les directs football. Beaucoup de choses, donc, je vous le disais ce soir. Et en tennis, pas de direct important ce soir. Si ce n'est que tout à l'heure, à noter que les Français, Richard Gasquet notamment s'est incliné en deux manches du premier tour du tournoi de Brest, et puis également Antoine Escoffier qui s'est incliné également donc dans ce tournoi. Mais on reviendra aussi bien sûr sur l'actualité tennis tout à l'heure avec plein de choses à balayer aussi là-dessus. Avant de revenir sur tout ça, évidemment, comme chaque semaine, on va commencer par l'actualité des sports mécaniques, Formule 1 notamment. On va revenir sur le Grand Prix hier qui s'est déroulé aux États-Unis. Nouvelle victoire pour Max Verstappen, 15e victoire cette saison. Il s'est imposé une nouvelle fois tout au long de ce week-end, avec notamment la course sprint qui avait lieu également hier. Victoire donc Hollandais, déjà titré, on le rappelle, champion du monde depuis quelques jours. Deuxième place pour Lando Norris et sa McLaren. Troisième place pour Carlos Sainz. Et puis les Français, sixième place pour Pierre Gasly. Esteban Ocon, malheureusement, qui a dû abandonner après seulement 6 tours. Et puis, noter 2 disqualifications. Celle de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton, qu'on fait beaucoup parler, hein, pour des contrôles non conformes. Des contrôles aléatoires qui ont lieu et c'est eux qui ont fait les frais, Charles Leclerc et notamment Lewis Hamilton, donc disqualifié après la course, hein, on le rappelle, Hamilton qui était deuxième et Leclerc sixième donc dans la nuit, et ça a été confirmé ensuite, c'est le règlement qui était indiqué, et donc disqualification pour ces deux pilotes notamment sur des contrôles aléatoires. Ça aurait pu être d'autres pilotes, mais c'est donc c'est de là qui en ont fait les frais. Voilà donc les résultats de ce Grand Prix. La prochaine étape, il y aura Stra 4 encore, hein, le Mexique dimanche. Voilà, ce sera le prochain rendez-vous. Il y aura ensuite Sao Paulo et ensuite mi-novembre Las Vegas, première fois dans le calendrier, et enfin Abu Dhabi pour conclure la saison. Le classement pilote, bah évidemment, on le sait, hein, Verstappen bien leader, largement leader, Perez deuxième, Hamilton troisième, et puis pour le moment les Français sont plus loin, Gasly dixième, Ocon douzième. Voilà pour le programme qui vous attend dans cette fin donc de Grand Prix, de championnat du monde des Grands Prix. En MotoGP, là aussi la saison se poursuit évidemment, MotoGP avec hier un Grand Prix qui nous emmenait du côté de l'Australie. Victoire du Français Joan Zarco qui s'est imposé donc sur cette course. Une belle remontée. Deuxième place pour Francesco Bagnaia et puis la troisième place pour Fabio Di Gianantonio, l'autre Italien de Ducati. Donc belle victoire à noter pour Joan Zarco. Et Fabio Quartararo, lui, seulement 14e seulement du Grand Prix diffusé, disputé hier. Au classement après cette étape, eh bien, nous avons toujours Bagnaia en tête, 366 points. Son plus proche poursuivant, c'est Jorge Martin, l'Espagnol, 339 points. Et Marco Bettecci, l'autre Italien également, est troisième, 293 points. Voilà à peu près les trois qui devraient se disputer le titre dans la fin de saison. Petit avantage à Bagnaia, mais ce n'est pas fini, puisqu'il reste encore 4 grands prix au programme. Le prochain dimanche, la Thaïlande, voilà, qui attend les pilotes. Voilà les enjeux pour évidemment cette. Il y aura une course sprint d'ailleurs, hein, qui pourra aussi permettre de grappiller quelques points. Donc les enjeux pour Bagnaia, évidemment, c'est de gagner pour se rapprocher un peu plus du titre. Voilà pour les résultats en MotoGP. Et puis on termine avec un mot de du championnat du monde des rallyes. Là aussi avec une saison qui approche de son terme. Voilà, on le rappelle avec les dernières étapes qui vont arriver, dernière étape de ce championnat du monde des rallyes, avec encore l'Europe, Grand Prix Rallye d'Europe centrale. Ce sera cette semaine. Voilà, donc ce sera à partir de jeudi, et ensuite il restera une dernière étape, une ultime étape qui aura lieu au Japon, donc dans un peu moins d'un mois, du 16 au 19 novembre. Et pour l'instant, c'est toujours au classement Owen Para, le Finlandais qui tient les devants avec une petite quarantaine de points d'avance sur Evans, le Britannique. Donc rien n'est joué, même s'il a une avance, il faudra bien se comporter cette semaine pour espérer rester devant, et puis après ça devrait, il n'y aura plus qu'à assurer lors du dernier rallye pour conserver ce titre. Voilà les résultats du côté des sports mécaniques. On va revenir sur les matchs en direct, et puis juste après on va poursuivre le programme. On aura notamment beaucoup de choses, je le disais, on va avoir du handball avec un gros débrief sur ce qui s'est passé avec Saran, avec Gien, avec Fleury. Voilà, beaucoup de choses à balayer aussi de ce côté-là, donc pas mal de choses. On aura du basket aussi, la saison qui se poursuit en Pro B, notamment avec l'OLB qui a gagné pour sa première à domicile en Pro B. Ça, c'était attendu, donc c'est une bonne nouvelle. On va y revenir aussi dans un instant. Et puis on aura évidemment juste après toute l'actualité rugby et tennis, avec beaucoup de choses encore à balayer. On va commencer donc avec le handball. Je le disais direct avant, bien sûr, ça démarre, ça y est, en Ligue 2, Laval Saint-Étienne. C'est parti donc à l'instant pour cette rencontre. Pour le moment, eh bien 0-0 évidemment, ça vient de partir depuis une petite minute. Et puis également en Italie, Fiorentina Empoli, c'est parti aussi à l'instant, pas de but pour l'instant entre le Red Star et Cholet, ça c'est toujours pour l'instant sur le score de 2-0. Voilà pour l'instant les directs, et puis les autres vont s'enchaîner aussi dans un quart d'heure où on aura deux nouveaux matchs à suivre. On parle de handball tout de suite avec, pour démarrer, eh bien la première division, la Ligue Molly Star League, avec Saran bien sûr qu'on retrouvait, qui se déplaçait au PSG. Un gros déplacement pour les Saranais, pour les Sepstors, qui se sont inclinés malgré une belle résistance. Ils ont fini par s'incliner 46-31. Voilà, ça a craqué en fin de rencontre, 46-31, donc large victoire de Paris. Chartres qui a fait la belle opération jeudi en allant s'imposer à Cesson-Rennes, 28-27. Belle victoire pour l'équipe de Chartres. Et puis Nantes qui s'est imposée aussi à Chambéry, ce qui nous donne pour le moment une première place toujours pour PSG aux côtés de Montpellier, un 7-7, un sans faute pour l'instant. Toulouse est 3e avec 12 points, et puis Nantes est 4e avec 11 points. Pour Chartres, c'est pour l'instant une 9e place avec 6 points. Saran pointe à la 13e place, 2 points seulement. On rappelle 6 défaites et une victoire. Pour le moment, le bilan de Saint qui est compliqué avec des défaites parfois. Parfois très serré, mais voilà, ça fait des défaites tout de même. Et donc pour l'instant, ça fait que deux petits points au compteur. Il va falloir vite rebondir pour Saran et pour ne pas évidemment s'éloigner trop vite. Et puis en bas, c'est donc Ivry, Dijon et Créteil pour l'instant qui sont les équipes relégables. En la suite du programme de cette Liqui Moly Star League. Samedi, avec la huitième journée, Saran aura encore un gros déplacement. Ce sera Montpellier. Voilà, après le PSG, c'est Montpellier, les deux gros du championnat. Et en plus à l'extérieur, encore une fois, voilà le programme qui attend Saran samedi à 20h. Le PSG de son côté ira à Chambéry. Chartres recevra l'un des relégables Ivry pour cette huitième journée. Voilà le programme. Donc, pour le moment. Donc des équipes du secteur. Un mot de très rapidement du championnat des féminines, Ligue Butagaz Énergie. Pour le moment, toujours la première place pour Metz, hein, toujours invaincu, hein, 7 sur 7. Nantes qui suit de très près avec 20 points. Il y a un petit peu plus d'adversité que les précédentes saisons pour le moment, puisqu'il y a une toute petite victoire de retard. En Ligue des Champions, pour le moment, eh bien, on a Montpellier qui se trouve cinquième, hein, 2 victoires, 3 défaites, hein, pour l'instant, pour le groupe de Montpellier qui s'est incliné pour son dernier match. Il faudra faire mieux cette semaine, réception de Magdebourg, ce sera mercredi. Et puis en ce qui concerne le PSG, eh bien, le PSG de son côté qui va bien puisque le PSG est en tête avec 8 points. Voilà, donc la dernière victoire en date, c'était face à Aalborg la semaine dernière, réception de Kiel, qui est co-leader d'ailleurs avec 8 points. Ce sera cette semaine à domicile, ce sera mercredi soir, donc il faudra gagner pour s'assurer pour l'instant une première place seule. Voilà les enjeux qui attendent les Parisiens cette semaine en Ligue des Champions. Et puis en ce qui concerne les féminines, toujours en Ligue des Champions, Brest 4e. Pour le moment avec 4 points et les Messines qui sont dans leur groupe également 4e avec 6 points. Voilà, dans le milieu de tableau. Et il reste encore évidemment beaucoup de matchs. Et ce week-end, les deux équipes qui jouent à nouveau pour la 4e journée, 5e journée même déjà de Ligue des Champions. Puisque les filles ont démarré un petit peu plus tôt, qui sont un petit peu en avance. Voilà pour la Ligue des Champions là, au niveau européen. Revenons au niveau local avec Chien. Chien, on rappelle qu'il se trouve cette année une nouvelle fois en National 1. Chien qui se déplaçait à Livry samedi dernier. Défaite 37-25, large défaite. Pour Chien qui est 9e, avec 10 points pour le moment. Voilà, qui est un petit peu après le milieu de tableau. On rappelle qu'il y a la réserve de Saran aussi, qui se trouve dans cette poule, qui a gagné d'ailleurs à Ivry samedi. Donc Saran est 5e de ce groupe. Encore beaucoup de matchs, évidemment. 8e journée, samedi. Pour Gien, ce sera la réception de Nantes. Grosse affiche, Nantes qui est 10e, qui est juste derrière Gien, donc une belle affiche. Et puis pour les Saranais, déplacement à Saint-Marcel-Vernon. Voilà donc le déplacement pour la réserve de Saran. Voilà pour donc l'équipe de Gien, toujours on rappelle en National 1 cette saison. Et puis un mot également de Fleury. On rappelle les Panthères. On va l'évoquer dans un tout petit instant, quelques secondes, pour les Panthères qui rappellent Fleury, qui ont démarré plus bas après la liquidation judiciaire et qui redémarre évidemment plus bas cette année. On va en parler aussi dans un instant des Panthères, hein, qui vont avoir fort à faire pour espérer remonter puis tout refaire à l'envers. Donc rappel en National 1 aussi, hein, qui va dans de Gien chez les filles. Les Panthères qui ont gagné à l'extérieur, ça c'était une bonne nouvelle à Béthune samedi, 9e seulement, 11 points pour l'instant. Il va falloir s'accrocher. Il y aura la réception de l'équipe de Bretagne. Ce sera samedi à domicile pour espérer eh bien remonter un petit peu au classement. Ce sera toujours à domicile, Salle Albert Roger, donc de Fleury. Voilà le programme qui attend nos Panthères ce samedi. Voilà toute l'actualité handball. On a essayé de balayer un maximum de choses, évidemment. On va marquer une petite pause dans quelques secondes. Et puis on va revenir juste après. On rappelle que côté hand toujours, un rassemblement d'équipe de France aussi qui arrive. Notamment avec Guillaume Gilles chez les Bleus, chez les garçons, qui a appelé 27 joueurs pour la saison d'équipe de France qui va démarrer. Avec un premier stage cette saison. Et puis il y aura un premier match le 4 novembre d'ailleurs contre la Roumanie. Voilà, donc ce sera donc à partir du 30, hein, le stage et puis le premier match le 4. Voilà, donc 27 joueurs convoqués. Et puis il y aura un nouveau stage ensuite juste avant Noël, du 21 au 24 décembre. Et après, évidemment, il y aura une semaine de préparation en janvier pour préparer l'Euro. Voilà, avec là aussi deux matchs de préparation. Tunisie et Brésil, et puis après à partir du 10 l'Euro en Allemagne. Voilà, on rappelle les Bleus avec le groupe avec la Macédoine du Nord, la Suisse et l'Allemagne. Les deux premières équipes se qualifient pour le tour principal, a priori largement à la portée des Bleus, évidemment. Et puis tiens, chez les filles, à noter que Alison Pinot a annoncé prendre sa retraite à la fin de la saison. On rappelle qu'elle n'était plus sélectionnée depuis quelques saisons avec les équipes de France féminine. Elle a annoncé à 34 ans. Et donc, sa fin de carrière à la fin de la saison. Elle qui a tout connu, évidemment, avec les Bleus, notamment meilleure joueuse du monde en 2009. Titre olympique, mondial et européen avec les filles. Elle a tout gagné. Et elle va refermer cette page. Donc, en fin de saison. Voilà pour les petites actualités aussi. Du côté des équipes de France. Allez, on marque une pause. On va revenir après. Je rappelle, on aura du basket, bien sûr, l'OLB notamment, qui nous attend. On aura du rugby, bien sûr, la Coupe du Monde. La finale, c'est de Saint-Beny. Et puis, on aura du tennis aussi, la saison qui se poursuit et qui va arriver bientôt à son terme. Encore un mois de compétition. Et la saison qui va se refermer, évidemment, avec encore des belles échéances à venir. Les directs, on rappelle, en Ligue 2. Laval, Saint-Etienne, 0-0, 8 minutes de jeu. En Italie, Fiorentina, Empoli, 0-0, toujours également 6e minute de jeu. En National, le Red Star mène 2-0 face à Cholet. On joue à la 63e minute de jeu. Et moins de 5 minutes, Tottenham, Fulham en Angleterre. Et Valence, Cadix, ce sera en Espagne pour le début des matchs de 21h. Voilà ce qui nous attend dans les prochaines secondes. Une pause et juste après ce sera la suite du programme. Et puis une grosse demi-heure, on aura donc avec nous Hugo pour le débrief foot, plein de choses aussi, hein, Ligue des Champions cette semaine, donc on va présenter les rencontres et puis débrief aussi des journées du week-end, plein de choses donc à venir juste après une pause. On va revenir donc dans 4 minutes. Tout de suite, on écoute ce titre de Paul Young, Come Back and Stay. On revient juste après ça pour la deuxième partie. Il est 20h56. Vous écoutez la Radar du Sport. On se retrouve juste après. Tout de suite. I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you ever come back and stay? Don't you love. goodbye. I was trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you write come your back book and stay for good this time? Ego on your lungs. C'était Come Back and Stay à l'instant pour cette deuxième pause de la soirée. On revient donc nous pour la deuxième partie avec donc du basket tout de suite au programme. Et puis on rappelle aussi que les directs se poursuivent, notamment avec le début des matchs allés de 21h qui démarre à l'instant. Donc Tottenham Fulham, c'est donc pour l'Angleterre, c'est la 9e journée de Premier League d'ailleurs qu'on débriefera tout à l'heure en détail hein, avec encore des belles affiches et puis en Espagne aussi Valence Cadix, c'est parti aussi depuis donc quelques secondes là, ça y est, ça vient de démarrer. Donc pour l'instant pas de but évidemment et on aura aussi la suite des matchs entre Laval Saint-Étienne, 0-0, 8 minutes de jeu. Et puis on a également, je rappelle, Fiorentina Empoli, c'est en Italie, 0-0 toujours. Et enfin en national, le Red Star qui affronte Cholet, 2-0 toujours pour le Red Star. Il reste encore une grosse vingtaine de minutes pour conserver cet avantage. Du basket, je le disais donc, avec notamment le retour de la NBA, ça y est, ce sera cette semaine, précisément dans la nuit de mardi à mercredi, c'est-à-dire demain soir, ça y est, ça arrive, hein. Ça arrive vite. On commence avec toujours les deux finalistes de la saison passée qui lancent le bal, historiquement. Donc on aura deux rencontres qui démarreront donc dès 1h30. Du matin, Denver qui affronte les Lakers de Los Angeles. Donc première affiche de cette saison régulière. Avec Denver, donc champion en titre la saison passée. Et puis on aura ensuite, eh bien, 4h du matin, les Warriors qui reçoivent Phoenix. Donc pour lancer cette saison régulière de ces deux rencontres, donc la nuit prochaine. Et puis évidemment, bah, jusqu'à la fin de semaine ensuite, on aura des matchs tous les jours. Hein. Évidemment, on fera un premier point sur ces rencontres lundi prochain après cette première semaine de compétition. En France, évidemment, ça continue avec notamment la Betclic Elite. Pour le moment, eh bien, après les huit premières journées du championnat, bah, c'est Monaco toujours qui fait la course en tête. 8 matchs, 8 victoires. Simplement, Paris est deuxième. On a aussi avec un bon bilan. 6 victoires et 2 défaites. Même bilan pour Bourg-en-Bresse qui est troisième. L'Asvel est septième pour le moment. Blois qu'on retrouve cette année est dixième pour l'instant. Et puis en bas, les deux équipes pour l'instant sans victoire, Gravelines et Boulogne. Voilà donc pour ce point après les 8 premières journées. Et 9e journée, ce sera samedi, voilà, qui se poursuit à partir de 20h. En Pro B, évidemment, Pro B avec la deuxième journée. On rappelle que l'OLB s'était imposé lors de la première journée de Pro B, qui avait bien lancé sa saison. On rappelle qu'il avait fait une mauvaise préparation, notamment en Leaders Cup, qui était sorti d'entrée. Mais l'essentiel n'était pas là, c'était de bien démarrer la saison. Chose faite à Lille la semaine dernière, 69-64. Et puis, victoire, c'était cette fois Comet. Hier après-midi, cette belle victoire d'Orléans, 87-82, face à Pau Orthez, qui a bien lancé cette saison. Donc deux matchs, deux victoires, qui a fait la course en tête avec les autres équipes invaincues. Donc pour l'instant, bon début de saison pour l'OLB qui tentera d'enchaîner. Cette fois-ci, vendredi, déplacement à Chalon-Reims, 20h, donc, pour cette troisième journée de Pro B, donc, face à Chalon-Reims, qui n'a pas gagné encore. Donc, ce serait intéressant d'enchaîner avec une nouvelle série pour l'OLB. Donc, ça, ce sera vendredi. Voilà le programme qui attend nos Orléanais. On poursuit donc toujours basket avec cette fois le petit tour d'Europe comme d'habitude avec ce qui se passe au niveau des coupes d'Europe. Tiens, une info qui vient de tomber à l'instant qui concerne du tennis et notamment l'équipe de France de Coupe Davis. On a appris à l'instant que Sébastien Grosjean va quitter son poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, qui va devenir entraîneur d'Arthur Fils. Voilà, c'est ce qui a été annoncé il y a quelques minutes. Voilà, donc Arthur Fils qui va changer d'entraîneur et qui va être aux côtés de Sébastien Grosjean, donc qui évidemment va avoir pour conséquence de rechercher un nouveau poste de capitaine de l'équipe de France. Voilà, c'est ce qui a été annoncé il y a quelques minutes. On y reviendra tout à l'heure, avec notamment cette info qui est tombée. Donc on reparlera de tennis dans quelques minutes. Ce sera juste après la page rugby. Un petit mot, oui, donc de ce qui se passe dans les coupes d'Europe, différentes coupes d'Europe, et ce qui concerne évidemment nos deux clubs français. En Euroleague notamment, on rappelle que l'ASVEL cette année fait partie du championnat d'Euroleague. Pour l'instant, bah, ça se passe pas bien pour l'ASVEL qui a démarré par 4 défaites en 4 matchs. Voilà, on pouvait pas faire moins bien pour l'instant pour l'ASVEL. Mais rien n'est joué évidemment puisque la saison d'Euroleague est très longue. Mais pour l'instant, 4 matchs, 4 défaites. L'ASVEL va tenter de se refaire vendredi, réception de Bologne pour essayer de remporter cette première victoire de la saison en Euroleague. En Ligue des Champions, là aussi on va retrouver plusieurs équipes françaises, notamment Le Mans. La saison qui vient de démarrer, hein, une seule journée pour l'instant pour Le Mans qui a gagné, tout comme Dijon. Cholet par contre a démarré par une défaite, et on retrouve également un dernier club, c'est Strasbourg, qui de son côté a gagné également. Donc Strasbourg, Cholet, Dijon et Le Mans sont les équipes qui seront engagées en Ligue des Champions cette saison, hein, évidemment. On aura le plaisir de les suivre tout au long de leur parcours donc dans cette Ligue des Champions. Et puis on a également l'Eurocoupe, hein, évidemment, qui est la dernière des compétitions. Juste derrière l'Euroleague, bah, pour l'instant, on retrouve Paris, hein, qui est en tête donc du championnat avec deux groupes, hein, 3 victoires, 3 matchs. Pour l'instant, donc, tout va bien pour Paris, donc engagé dans l'Eurocoupe. Et de l'autre côté, on retrouve Bourg-en-Bresse. Pareil, 3 victoires, 3 matchs. Tout va bien pour nos clubs français dans cette Eurocoupe. Donc voilà, un bon départ pour nos clubs français dans ces coupes d'Europe, hormis, hein, on rappelle l'ASVEL, hein, qui a démarré par quatre défaites. Et puis on a également Monaco, évidemment, hein, qu'on n'oublie pas, puisque Monaco également est engagé en Euroleague cette année. Deux clubs français, c'est la nouveauté. Et Monaco qui est à 2-2, hein, pour l'instant. Victoire 2, défaite. Donc voilà, c'est un début moyen, mais évidemment il reste beaucoup de matchs. Et puis chez les femmes, on a également deux clubs français engagés, trois même, en Euroleague. L'ASVEL également, qui a mal démarré, Villeneuve d'Ascq et Basketland. Voilà, les trois clubs qui ont très mal démarré, qu'il faudra se reprendre très vite pour essayer de faire mieux. Puis l'Eurocoupe, elle, qui démarra un peu plus tard, avec évidemment d'autres également clubs français qui seront engagés chez les femmes, donc un petit peu plus tard dans la saison. Voilà ce programme de basket. On va refermer cette actualité basket. On va revenir sur le rugby tout de suite, mais avant cela, les directs que l'on est en train de suivre, on va refaire un petit point sur ces matchs, sur ce fil rouge direct, avec l'ouverture du score de Saint-Étienne du côté de Laval, 1-0. C'est pour l'instant la petite surprise, hein, pour Laval, qui est invaincu, qui est leader du classement, qui est leader du classement. Et pour l'instant, c'est Saint-Étienne qui ferait la bonne opération. 1-0, donc après 23 minutes de jeu. En Angleterre, Tottenham, Fulham, c'est parti aussi depuis 10 minutes, 0-0. Valence, qui a ouvert le score face à Cadix depuis 10 minutes également. Et enfin, en Italie, Fiorentina, Empoli, 0-0 après 20 minutes de jeu. Et on n'oublie pas, si, en national, le Red Star, qui mène 2-0 toujours sur sa pelouse face à Cholet. Il reste un peu plus de 10 minutes. Pour l'instant, ça tient toujours pour le Red Star, toujours leader. Et bien sûr, on en reparlera également tout à l'heure avec évidemment la suite du championnat national et notamment l'USO qui revient très bien. Rugby, évidemment, dernière semaine, ça y est, de compétition pour la Coupe du Monde qui s'achèvera samedi soir avec cette affiche entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Voilà, une affiche qui a été attendue après les demi-finales. On rappelle les All Blacks qui ont battu l'Argentine sans trop de difficultés, évidemment, 44-6. Et puis samedi, l'autre affiche qui opposait l'Angleterre à l'Afrique du Sud et les Sud-Africains qui se sont imposés encore une fois à d'un point pour retrouver les All Blacks en finale face à des Anglais qui ont beaucoup joué au pied encore, 4 essais, 4 pénalités et un drop de Farrell, comme ça a été beaucoup le cas lors de cette compétition, hein, les Anglais qui ont beaucoup joué au pied tout au long de la compétition. Ça a failli passer jusqu'à la 77e minute et finalement une dernière pénalité de Pollard qui a permis aux Blacks de repasser devant et de s'imposer encore une fois d'un point, comme ça avait été le cas face aux Bleus la semaine d'avant. Et on retrouvera donc les All Blacks et les champions en titre, les Sud-Africains, en finale samedi soir à 21h. Et avant cela, la veille, le vendredi soir, on retrouvera Argentine-Angleterre pour la 3e place. Et ainsi donc conclure cette Coupe du Monde, qui aura été une belle Coupe du Monde, mais voilà, qui aura laissé quelques même de gros regrets pour cette équipe du 15 de France, qu'on aura plaisir à retrouver très vite, hein, en février prochain, pour le tournoi de destination, hein. On aura avant cela des matchs d'automne qui qui seront prévus, hein, évidemment, pour l'équipe de France. On aura, d'ailleurs, on a peut-être déjà, on va regarder rapidement si on a déjà les matchs qui sont prévus pour ces matchs d'automne, un test match d'automne. Oui, on a déjà des matchs, pas encore, non, ils sont pas encore prévus, mais on aura évidemment des matchs de préparation et avant de retrouver évidemment les Six Nations, on aura déjà une grosse affiche d'entrée puisque on retrouvera les Irlandais pour aussi qui ont avec une déception pour eux, hein, puisqu'ils étaient là aussi l'une des nations favorites et sortis très tôt aussi, très tôt avec une défaite en quart de finale. Donc France-Irlande, ce sera le début de la compétition le 2 février prochain. On a déjà hâte d'y être. Les Bleus recevront 3 fois et se déplaceront 2 fois. Ce sera une année favorable pour eux. Et un déplacement en Écosse et en Pays de Galles. Et puis réception de l'Irlande, de l'Italie et puis de l'Angleterre pour finir. Voilà le programme qui attendra nos Bleus au mois de février. Mais on aura l'occasion largement d'en reparler avant cela. Et puis à noter donc vendredi, samedi, troisième match pour 3e place et finale à Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. On referme cette page rugby et on va ouvrir celle de tennis maintenant, avant de parler de foot juste après. On aura Hugo avec nous dans maintenant un petit quart d'heure. On disait il y a quelques minutes Sébastien Grosjean qui va quitter son poste de capitaine de Coupe Davis pour retrouver Arthur Fils et entraîner Arthur Fils. C'était annoncé il y a quelques minutes. Donc Arthur Fils qui a décidé de changer d'entraîneur. On rappelle que c'est sa première année sur le circuit pour Arthur Fils. Ce sera dans quelques semaines. On rappelle que Sébastien Grosjean a occupé depuis 4 ans ce poste de capitaine de Coupe Davis. Également, on rappelle ambassadeur de l'Open d'Orient, évidemment, depuis plusieurs années également. Et pour l'année prochaine, Sébastien Grosjean, qui avait déjà d'ailleurs coaché Richard Gasquet il y a quelques années. Et cette étape-là pour lui. Et nouveau capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis qui sera connu après le Paris Masters, hein, ce sera dans quelques semaines donc, et qui sera d'ailleurs au passage aussi responsable de la délégation masculine aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Voilà le poste qui attend le successeur de Sébastien Grosjean. Cette semaine aussi on avait 2 Français en finale, hein, notamment Arthur Fils qui était en finale du côté de Anvers. C'est malheureusement une défaite pour le Français en 2 manches, 6-4 face à Bublik, mais qui réalise une belle semaine, notamment avec une victoire face à Stefanos Tsitsipas en demi-finale. Donc ça c'est à noter une nouvelle fois, donc a réalisé une belle semaine en 2 manches, hein, 2 tie-break. Et une belle semaine malgré tout pour lui. Puis Gaël Monfils, lui, a remporté l'ATP 250 de Stockholm en battant en finale en 3 manches le qualifié russe Kotov 6-4-6, 7-6, 6-3. 12e titre donc en simple pour le Français en carrière. On verra qu'il a d'ailleurs fait un bon classement. On va le voir dans quelques secondes. Et puis pour finir à Tokyo, c'est Ben Shelton, l'Américain, qui s'est imposé. C'était un ATP de 500. Il a battu en finale Karatsev 7-5-6-1. Donc le score de cette rencontre, de cette finale, donc du tournoi de Tokyo. Cette semaine, on aura avant le Paris Masters la semaine prochaine, on aura Bâle au programme, qui sera le tournoi principal aux côtés du tournoi de Vienne. Voilà, les traditionnels tournois de Bâle et de Vienne la même semaine. Olga Rune sera lui à la tête de série numéro 1 à Bâle. On aura Casper Ruud en tête de série numéro 2. Les Français Hugo Humbert, Adrien Manarino notamment, et ce sera les seuls Français présents. Andy Murray s'est qualifié pour le 2e tour aujourd'hui. On aura Stan Wawrinka aussi qui sera dans le tableau. Géal Yassim, Alex de Minor, voilà, Hubert Hurkacz sont notamment les têtes de série présentes cette semaine à Bâle. Et puis à Vienne, on aura Medvedev, tête de série numéro 1, sera posé à Arthur Fils dès le premier tour. Gros défi pour le français. On aura Jannik Sinner, la tête de série numéro 2. Mon fils rempile avec un premier match face à Altmaier, l'allemand, demain. On aura Gilles Muller aussi, le français, sorti des qualifs, il y aura demain matin aussi. Et puis Stefanos Tsitsipas, ça sera opposé à Dominic, notamment aussi pour le premier tour donc du tournoi de Vienne. Dernière répétition avant donc le Rolex Paris Master la semaine prochaine, où on retrouvera notamment Novak Djokovic ou encore évidemment Carlos Alcaraz, qui seront de retour pour cette semaine. Le classement donc le classement de l'ATP qui a bougé, hein, qui a bien bougé, avec notamment Gaël Monfils qui a retrouvé le top 100 grâce à son titre à Stockholm. Il est 89e désormais. Voilà, c'est la conséquence de sa victoire. 51 places de gagné, donc c'est la plus forte progression de la semaine. Voilà, on rappelle qu'il était redescendu presque à la 400e place après ses blessures, et là il est de retour dans le top 100. Bravo à lui. Arthur Fils, lui également, disputé une finale, il est toujours 38e, il n'a pas bougé. Le numéro 1 toujours, Adrien Manarino, 24e, Hugo Humbert, 28e, ou encore Lucas Van Hache, 63e, le meilleur classement de sa carrière. Ben Shelton aussi a bougé un petit peu, puisqu'il est 15e. Ça ne bouge pas pour le top 5. Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner ou encore Rublev, donc sont toujours les 5 meilleurs joueurs du moment. Voilà le classement. Et chez les femmes, à noter que Caroline Garcia recule un petit peu au classement, puisqu'elle glisse, elle sort du top 10, elle est désormais 20e, 10 places de perdu. Clara Burel, la deuxième française, est 61e de ce classement. Deux autres infos pour finir avec le tennis qui concerne des Masters 1000 de Paris et Monte Carlo, qui seront diffusés en clair, hein, les finales les finales de ces matchs. Donc on rappelle que les années passées, c'était C8 qui diffusait, hein, depuis 2009, le Masters 1000 de Paris de Monte Carlo. Ils sont désormais proposés à partir de l'année prochaine sur les antennes de France Télévisions. Voilà. Et donc cette année, donc dernière diffusion donc sur C8, le Rolex Paris Masters, donc du 28 au 5 novembre. Hein. Et à partir de l'année prochaine, eh bien ce sera France Télévisions pour 2024-2026 qui va récupérer Monte Carlo et Paris Masters, donc avec des matchs qui seront diffusés sur ces plateformes notamment, et puis évidemment les finales sur les chaînes classiques. Voilà, c'est ce qui a été annoncé donc pour la prochaine échéance. Et puis pour par ailleurs, pour le reste, Eurosport a renouvelé ses droits, hein, pour tous les Masters 1000, TP 500 et 250 pour la plupart. Et puis bien sûr, pour le reste, eh bien toujours US Open et Open Australie sur Eurosport, Roland Garros toujours France Télévisions et Amazon, et puis Wimbledon toujours pour l'instant avec beIN Sports, et le contrat est arrivé à échéance. On verra si ça se poursuit. A priori, il n'y a pas de raison, qui est l'un des programmes forts aussi de beIN Sports. Et dernière info qui concerne la nouvelle compétition qui arrive l'année prochaine, la United Cup, qui sera lancée l'année prochaine avec tirage au sort qui a été effectué. La France, qui connaît son tirage, qui jouera face à l'Allemagne, et l'Italie en phase de groupe. On rappelle que c'est un tournoi mixte avec différents groupes. On verra. Donc ce sera pour clôturer l'année 2023, puis entamer la suivante. Ce sera du 29 décembre au 7 janvier en Australie, toujours, hein, pour préparer l'Open d'Australie. Donc tirage au sort aujourd'hui avec notamment donc la France, Allemagne, Italie, et puis il y aura les Américains, donc champions en titre, avec l'Australie, la Grande-Bretagne, Voilà, notamment les groupes de cette compétition. Voilà, donc tournoi mixte. C'était l'année dernière, la première édition, avec États-Unis et l'Italie. Chaque équipe avec trois joueuses et trois joueurs. Match aller-retour en simple. Et pour les hommes et les femmes, et puis en double mixte, voilà, pour finir. Et après, voilà, les vainqueurs de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, et puis évidemment, finale et demi-finale et finale ensuite. Et il y aura également des points ATP qui seront, et WTA qui seront disputés, encore une fois. Donc, on aura l'Espagne aussi, on aura la Grèce, le Canada, on aura Pays-Bas, Norvège, voilà, on connaît la Serbie évidemment qui serait aussi au programme. Donc pour l'année prochaine, voilà les infos en tennis. On va marquer une pause et puis juste après on retrouvera Hugo pour le foot dans 5 minutes maintenant après la pause. Beaucoup de choses à voir hein, côté tennis, côté football pardon. Et donc dans un instant, ce sera le programme. Les directs aussi, on les s'oublie pas. Saint-Étienne qui mène toujours 1-0 sur la pelouse de Laval, c'est un national, 36e minute de jeu. Tottenham Fulham 0-0. Et puis des buts ailleurs, hein. Valence 1-0 face à Cadix et Empoli ouvert le score du côté de la Fiorentina, toujours 1-0. Et le Red Star mène toujours 2-0. On est au temps additionnel, donc ça devrait normalement bien se finir pour une nouvelle victoire cette saison. Allez, une pause et on va revenir juste après pour la dernière partie foot avec Hugo qui sera avec nous pour débriefer tout ça. On va écouter tiens Queen qui nous a été demandé avec ce titre qu'on connaît moins, qu'on entend moins en tout cas, mais on va l'écouter tout de suite. Ça s'appelle You Don't Fool Me. On écoute tout de suite ce titre et on revient juste après pour la dernière partie, donc dans 5 minutes. You Don't Fool Me, Queen, 21h25 sur Arc-en-Ciel. C'est la Radio Sport, à tout de suite. Don't fool me. ce titre Your Don't Fall Me. On est de retour évidemment pour la dernière partie, c'est le foot tout de suite. Alors normalement on est censé avoir avec nous Hugo, je sais pas si ça va fonctionner, on va essayer. On rappelle que on est sur les nouveaux studios, donc on va voir si Hugo est avec nous. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à tous. Alors je t'entends mais pas très bien. Ça grésille un peu et tout ça, je t'entends un peu lointain. Bon, on va essayer donc, de... Donc ça, pour l'instant, ça devrait le faire, mais voilà. C'est pas top top, mais... Bon, on voilà. Rappelle que voilà, c'est les nouveaux studios d'Arc-en-Ciel, donc tout n'est pas encore tout à pas fait au point. Tout va se mettre au point cette semaine, donc on va faire avec ce soir. En tout cas, bienvenue Hugo, ça va bien? Bah écoute, très bien, ça fait longtemps que je suis pas venu par là, moi. Ça fait longtemps, et c'est vrai qu'il y a eu tous les travaux des studios, donc un petit peu d'absence, mais on est de retour. Ça y est, on a plein de choses ce soir. Hein. Plein de choses, puisque cette semaine, c'est le retour de la Ligue des Champions. Donc on aura plein de matchs à présenter. Et puis on va aussi débriefer tout ce qui s'est passé en Europe ce week-end, en France, évidemment, il y a pas mal de choses. Et puis il y a des matchs en direct aussi ce soir qu'on va continuer à suivre. On a Laval Saint-Etienne, donc ça c'est la Ligue 2, 1-0 pour Saint-Etienne toujours. Il reste moins de 5 minutes en première période. En Angleterre, Tottenham, Fulham, c'est la 9e journée de Première Ligue, 0-0. Valence qui a fait le break 2-0 face à Cadix, c'est la 10e journée de Liga. Et en Italie, Empoli mène toujours 1-0 sur la pelouse de la Fiorentina. C'est pour l'instant une petite surprise. Et là, il reste 5 minutes avant la pause. Et puis le Red Star qui a fini par s'imposer. Finalement, voilà, c'est fait. 2-0 face à Cholet. Donc, il reste leader. On en reparlera tout à l'heure avec le classement de National. Mais commençons avec donc notre tour d'Europe, comme d'habitude, hein, avec ce qui s'est passé un petit peu partout en Europe, avec l'Allemagne notamment. On va commencer avec la Bundesliga. On était sur cette 8e journée de Bundesliga. Et pour l'instant, les leaders ont fait le travail, notamment, que ce soit le Leverkusen, Stuttgart ou le Bayern. Tout le monde a gagné, notamment le Bayern qui a été s'imposé à Mayence 3-1. Voilà, c'est du Bayern classique, hein, on va dire. Avec encore du Harry Kane qui marque et qui plante. Hein. Ça va très bien pour lui. Hein. Ah c'est clair, ça va très bien pour lui avec le Bayern. C'est un peu comme je l'avais dit, enfin on l'avait dit au tout début de saison. C'est selon moi, c'était le club qu'il lui fallait, le Bayern, avec un vrai poste de numéro 9 à l'image un peu d'un Lewandowski, d'un finisseur, comme le rôle qu'il avait à Tottenham. Donc on voit que ça lui va très bien, et donc ouais, il continue à planter tous les week-ends. Donc c'est une bonne chose évidemment pour lui et puis pour le Bayern. Et puis ouais, 3-1, but de Coman aussi 5 minutes avant celui de Kane. Oui. Et puis voilà, bon, le travail est fait. Il y a eu on va dire deux Bayern qui ont joué, il y a eu deux visages. Voilà, Bayern qui n'était pas forcément au top au début. Enfin au début, ils ont marqué assez tôt quand même, mais c'était pas le top. Et après ils ont montré de très bonnes choses offensivement de toute manière. Mais voilà, le travail est fait, le principal est fait. Bon, aujourd'hui ils sont troisième, à 2 points de Leverkusen premier. À égalité avec Dortmund, le grand rival d'ailleurs qui a gagné aussi. Ouais, c'est ça, tout le monde est. Ça se joue à un peu de points. Hein. Tu le disais, Leverkusen, 22 points. Il y a Stuttgart aussi qui est là, qui est un peu surprenant, enfin qu'on n'attendait pas forcément là, et qui réalise une belle début de saison, un beau début de saison. Bah, qui a battu Stuttgart 3-0 l'Union Berlin, qui est en Ligue des Champions et qui a fait une grosse saison l'année dernière. Ouais. Mais est-ce que la surprise de cette année ce sera pas Stuttgart, peut-être. En tout cas, on va voir, mais pour l'instant ouais, ils sont un beau deuxième en tout cas. 7 victoires, une défaite, un beau goal à virage aussi, en plus 17. Ouais. Voilà, on néglige pas ça. Donc ouais, pour l'instant très très gros début de saison, ouais. Et puis donc Leverkusen, le Bayern et Dortmund invaincus toujours pour l'instant, c'est trois équipes et qui se tiennent en un point, donc en deux points même avec Leverkusen qui s'était aussi imposé à Wolfsburg pour l'instant. C'est de belles affiches qui nous attendent avec ces quatre là. Et la 9e journée, ce sera samedi. Je vérifie, on n'aura pas de confrontation directe pour l'instant. Voilà, mais elles vont arriver de toute façon, hein, ça va arriver vite. Et tous les matchs samedi après-midi, donc pour cette 9e journée de Bundesliga. J'étais en train de regarder, j'ai pas réussi à y accéder au classement des buteurs, mais ah si, alors Harry Kane est deuxième, hein, voilà. Ouais, mais il y a surtout Guirassy de Stuttgart qui est devant, avec un ratio énorme de 1,75 buts par match, puisqu'il a mis 14 buts en 8 matchs. C'est magistral. Franchement, c'est un gros début de saison. 14 buts en 8 matchs, ouais, c'est pas rien. Il y en a qui font. Sur les 25 buts de son club, il en a mis 14. Ouais. Plus de la moitié. C'est énorme. Harry Kane qui est, bah, du coup, ouais. Alors, c'est un beau score aussi, hein, 9 buts en 8 matchs, mais qui est loin derrière, du coup. Harry Kane. Et puis, ouais, derrière, il y a aussi Boniface. J'avais déjà parlé sur cette antenne de Boniface qui fait un gros début de saison aussi avec Leverkusen, l'attaquant nigérian. Donc, pour l'instant, ça suit. Mais ouais, Guirassy, impressionnant. Alors, il était à Rennes, c'est ça, lui, hein. Guirassy, c'était Rennes, ouais. Oui, c'est Rennes. Ouais, t'as raison. Ouais, c'était Rennes. Et il a joué à Amiens. Donc. Juste avant, ouais, c'est ça. Et puis qui passait aussi par Cologne avant cela et à Auxerre en début de carrière. Donc ouais, ça. Ouais. C'est à Lille aussi. À Lille et à Laval. À Laval. C'est ça, si on veut remonter jusqu'au début. Il a fait 10 ans qu'il joue, mais il a fait pas mal de clubs, c'est vrai. Pour lui, donc il fait un gros début de saison. On remonte tranquillement avec l'Italie. L'Italie où on jouait. Notamment aujourd'hui, on va en parler, mais avant cela, les autres matchs de la 9e journée. Voilà, donc les Cadors qui ont gagné, hein. Il y avait aussi une grosse affiche entre le Milan et la Juve, on va y revenir dans un instant. Mais Naples, l'Inter, la Lazio, la Roma, voilà, tout le monde a gagné. Finalement, c'était un week-end sans surprise pour ces matchs. Oui, c'est ça, on peut résumer ça comme ça, tout à fait. Les gros ont tous gagné, comme tu l'as dit. Naples a gagné 3 avec un doublé de Quaratrelia. Ça va très bien. L'Inter, oui, 3-0, qui du coup reprend la place de leader à Milan, qui du coup a perdu contre la Juve 1-0. Milan donc qui sera sur pas avant son déplacement à Paris mercredi. ouais, Milan, c'est pareil, on a du mal à les cerner. Après, ce qu'il faut souligner, c'est que l'équipe milanaise qui avait hier contre la Juve, ce sera pas totalement la même au Parc des Princes mercredi, parce qu'il manquait évidemment Maignan dans les buts. Oui. Qui avait été suspendu, on se rappelle avec Giroud qui est rentré en fin de match. Il aurait pu jouer au but, là. Il aurait pu jouer au but. Ah, c'est vrai qu'il aurait pu, c'était plus efficace. Mais ouais, donc il y aura Maignan sûrement mercredi, hein, je pense. Il n'y avait pas Théo Hernandez, il y avait Florenzi à la place. Et au milieu de terrain, potentiellement, il y aura aussi Ruben Loftus-Cheek, l'anglais qui est venu, enfin qui vient de Chelsea depuis, enfin qui est venu de Chelsea, en provenance de Chelsea cet été. Enfin voilà, ce serait une équipe quand même assez différente potentiellement face à Paris. Donc voilà, ça veut tout rien dire. Certes, Milan ne vient pas avec la confiance, mais je pense que Milan viendra avec un autre visage et ça reste le match de, je pense, de ce groupe, de ce groupe-là. Même si évidemment Newcastle a fait très très mal au PSG, on l'a vu. Je sais plus si on n'a pas pu en parler. Bon, les souvenirs sont un peu lointains, donc bon, je me rappelle un peu de certains buts, mais bon, on va pas revenir là-dessus, mais ouais, non, en tous les cas, c'est un beau match, mais rien n'est sûr pour ce match entre le PSG et Milan. Voilà, pour revenir à l'Italie, ouais, bah, victoire de la Roma. Aussi, avec un but d'El Shaarawy à 90e. Et je sais pas si t'as vu l'image, mais il s'est mis à pleurer, El Shaarawy, après son but. Je pense que les nerfs ont un peu lâché, je sais pas. Je sais plus s'il avait pas marqué depuis longtemps ou un truc comme ça. Mais je sais que les nerfs ont lâché et en tout cas, on sait que ça lui a fait du bien, ce but. On s'est fait relancer, ouais. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est un joueur qu'on... J'ai l'impression de l'avoir toujours vu depuis que je suis gamin. Enfin, ça fait au moins 10 ans que je le vois. Je l'avais déjà dit, je crois, mais c'est un joueur que j'aime bien, honnêtement. Je sais pas, il a une élégance, je trouve, mais voilà, il a toujours été un peu. Alors, les blessures, l'inconstance, tout ça. Oui, il a été marqué par les blessures aussi, c'est vrai. Ouais. Donc, forcément, ça n'a pas été facile pour lui toute sa carrière, mais bon, je suis toujours content qu'il soit dans un club quand même comme la Roma. Même si, bon, la Roma n'est pour l'instant que 7e. Mais voilà, ouais, tout le monde a gagné, tout le monde s'est à peu près rassuré avant la Coupe d'Europe, donc voilà, pas trop de surprises pour cette 9e journée de Serie A. classement, tu le disais, c'est l'Inter qui a profité pour repasser en tête devant le Milan, du coup 22 points contre 21, la Juve 20 points qui revient aussi, et la Fiorentina est là avec 17 points, Naples aussi, la Roma 14 points et la Lazio 13 qui est un peu plus loin en classement, et puis en bas Empoli, Salernitana, Cagliari. Tiens, noté que tout à l'heure il y avait un match entre Udinese et Lecce et Florent Thauvin a marqué pour son match. Ouais. Enfin. Ouais, sur penalty, mais il a marqué. Il n'a pas pu empêcher le match nul, mais il a marqué avec son club. Très bien. La semaine. Il y a trois petits matchs sympas la semaine prochaine. Ah vas-y, on t'écoute pour ces affiches. Bah, Inter Milan contre la Roma, même si la Roma n'est que 7e entre guillemets, ça reste une grosse affiche quand même évidemment du championnat. Hein, ça reste la Roma. Il y a Lazio Fiorentina. Alors bon. C'est deux bonnes équipes, alors c'est pas l'affiche super rêvée, c'est pas les deux plus grosses équipes d'Italie non plus, mais au niveau du classement, je pense que voilà, c'est deux, un match très important pour les deux équipes. Et puis le gros match Naples AC Milan. Voilà, Naples qui va essayer de se rapprocher du podium, hein, parce que tu l'as dit, son cinquième avec 17 points, donc à 3 points du troisième, la Juve. Et puis Milan qui, bah, je pense, bah, voilà, forcément essayer de reprendre du poil de la bête et pourquoi pas aller reconquérir la première place. Mais voilà, donc trois gros matchs, surtout Naples AC Milan, qui va être très intéressant. Ouais, ça, et ce sera quand ça? Et ben en fait, je pense que c'est comme en Allemagne. C'est, en Allemagne, t'as dit que tous les matchs étaient samedi après-midi, mais je pense que la programmation n'est pas faite, ou peut-être que c'était pas précisé sur le site l'équipe où je suis, donc je sais pas. Ouais, à mon avis, c'est pas. Bah, c'est pas précis, donc. Non, ça va pas. Bon, ok, bon, on verra ça, mais en tout cas, ce sera ce week-end. Cette affiche intéressante, très bien. Et il y a un match d'ailleurs qui se terminera aussi tout à l'heure, qui est en cours à la mi-temps. C'est Empoli qui met 1-0. On a parlé de la Fiorentina, donc pour le moment qui est quatrième. Oui, c'est ça, mais qui pourrait grappiller en cas de victoire. Pour l'instant, ils sont menés, mais il reste une mi-temps pour essayer d'inverser la tendance. En Espagne, maintenant, c'était cette journée de Liga qui nous intéressait. On va évidemment revenir sur cette performance d'Antoine Griezmann qui a marqué un triplé, c'était hier samedi soir, du côté de Celta Vigo. Enfin, ouais. un grand grisou encore. Ouais, bah ça y est, c'est pas nouveau. Ça fait une bonne année maintenant qu'il s'est bien mis sur pied. Depuis son retour à l'Atlético, donc bah forcément oui, un doublé ça fait toujours du bien, un triplé ça fait évidemment toujours beaucoup de bien. Et puis surtout ça permet aussi de relancer l'Atlético, qui est un peu en retard par rapport au podium, et puis ses deux rivaux, le Real et puis le Barça. Donc forcément oui, bah c'est un super match pour Grisou, toujours dans la lignée de ses bonnes performances en équipe de France, même s'il a été peut-être un peu en dessous contre l'Écosse. Enfin bon, ça reste Griezmann quand même, il a fait un match assez bien quand même. Mais très bonne performance de Griezmann, un but sur penalty et puis deux autres jolis buts, donc c'est très bien. Et puis donc Atlético qui revient à la quatrième place, donc à deux points du podium, à deux points du Barça qui est troisième, et puis seulement à trois points du premier qui est le Real. Donc voilà, ils sont pas largués, hein, loin de là. Oui, le Real d'ailleurs qui a été tenu en échec. Ralenti. À Séville, Séville qui stoppe la bonne série madrilène, le Séville de Sergio Ramos. Mais j'avais oublié qu'il était arrivé là. Ouais. C'est vrai. Ouais, si, mais alors je sais plus si, je crois que c'était après la fin du mercato qu'il est arrivé, Ramos, comme il était libre. C'est ça. Donc forcément, tu peux piocher des joueurs libres, évidemment, quand tu veux. Donc c'est lui qui stoppe le Real. Ça a été haché en fin de match, hein. On voit tous les cartons jaunes, 86e, 87e, 90e. Ouais. Au Campos, Sous, Soumaré, Lamela, Sévi, et puis, Vinicius et Camavinga côté Real. Un but contre son camp d'Alaba donc pour Séville, 1-0 à la 74e, et seulement 4 minutes plus tard Carvajal qui égalise. Forcément le Real qui ralentit, mais qui est pour l'instant toujours premier à égalité, co-leader avec Gérone. Oui, à 25 points. Surprenant, c'est le Stuttgart en Espagne. Oui. C'est un peu le même cas de figure. Donc voilà, mais ouais bon, bah, le Real qui n'est pas à l'abri, mais qui pour l'instant est toujours premier, c'était le joker qu'ils ont pu griller, quoi. Faut pas en griller un la semaine prochaine, quoi. Et le Barça, lui, du coup, avec ce résultat, évidemment, voulu profiter, et chose faite en gagnant difficilement quand même face à Bilbao 1-0. Mais bah, surtout belle histoire, parce que le buteur, donc à la 80e pour le Barça, c'est Marc Guyou, qui est un jeune de 17 ans, et il jouait tout simplement son tout premier match, ses toutes premières secondes en tant que professionnel, ouais, en championnat, en Liga. Et au bout de 34 secondes, si je me trompe pas, ouais, 34 secondes, ouais. Ouais. Enfin, j'ai 23, moi, mais. Peut-être depuis que le jeu avait repris, mais en tout cas de son entrée sur le terrain, on va dire, pendant le changement jusqu'à son but, ça fait 34 secondes. Enfin bref, importe, entre 20 et 30 secondes, le mec il marque son premier but pour ses toutes premières secondes en pro. Donc c'est une belle histoire, voilà. Mais voilà, c'était pas un match bon énorme. C'était un match assez équilibré. Barça qui s'est même un peu fait peur, mais voilà, grâce à potentiellement sa future petite pépite, en ce cas on lui souhaite, et il commence super bien. Voilà, but de Marc Guyou, et ça fait 1-0 pour le Barça, qui donc, je l'ai dit tout à l'heure, est troisième à un point du deuxième et du premier. Et d'ailleurs, Classico oui, la semaine prochaine, hein, d'ailleurs. Bah voilà, j'allais y venir, bah ouais, ça va être, et ce sera au Real, hein, à Madrid. C'est le Barça, ouais. D'accord. Okay. Très bien, bah, on suivra ça, ce sera samedi, probablement après-midi, hein, comme c'est souvent le cas. Ouais, peut-être. Ok, très bien. Juste avant de parler de l'Angleterre, juste une info qui concerne l'Ajax Amsterdam qui s'est séparé de son entraîneur. Aujourd'hui, tout à l'heure. Ah, parce qu'ils ont perdu combien? 4-3, je crois, j'ai vu ce week-end. Ouais, ils ont encore perdu, oui, c'est ça, 4-3. Contre Utrecht. Ouais, Utrecht. Et là, ils pointent à la 17e place, hein, donc. Ils sont vraiment en crise, et du coup voilà, ils se sont séparés de leur entraîneur Neustein, donc c'est pas de bon augure avant évidemment la suite de leur phase de groupe en Ligue Europa. On rappelle, ce sera jeudi, hein, où l'Ajax ira à Brighton notamment. Voilà, on en reparlera dans un instant, mais c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour l'instant. Et on termine avec l'Angleterre. Il y a des beaux matchs aussi en Angleterre, bah comme presque tous les week-ends en fait. Hein. Bah forcément, ouais. Bah ouais, je me laisse le choix. J'ai commencé par le derby, un gros derby entre les deux clubs de Liverpool, hein, bah, Liverpool FC et puis Everton. Ouais. Un match qui a été certes dans l'ensemble dominé par les Reds, mais Everton tenait plutôt bien le match. Alors, il y a eu un carton rouge pour Everton. Après deux cartons jaunes d'Ashley Young à la 37e, et c'est un peu, forcément un peu comme toute exclusion, mais c'est un peu ce qui a plombé le match, même si Everton a tenu jusqu'à la 75e et un penalty pour prendre un but, donc pendant plus d'une heure, enfin une heure, ça, ils ont tenu, mais ouais, Everton était très très agressif en début de match. Young a pris un premier carton jaune à la 18e, j'ai plus la faute exacte, mais je me rappelle. Un beau tampon, Tarkovski fait pareil à la 31e, il découpe, alors je sais plus, pareil c'était Salah ou quelqu'un d'autre, je sais plus, et Young qui redécoupe, alors c'était Luis Diaz je crois, qui d'ailleurs va chercher la faute, c'était bien joué de sa part, mais bref, Everton très très agressif, mais maladroit du coup dans ses gestes, et du coup qui se punit un peu tout seul à la 37e, et puis encore une faute, du coup penalty à la 75e, but de Mohamed Salah, et puis en toute fin de match, pareil à la 90+7, puisqu'on sait que voilà, dans le tunnel maintenant, c'est donc doublé de Salah à la 97e, donc victoire comme souvent de Liverpool, et Everton qui se rapproche, enfin non, ils sont 16e, mais bon, c'est peut-être toujours compliqué encore pour le maintien cette saison, quoi. Ouais, il va falloir se battre jusqu'au bout probablement, ouais. Ouais. Okay. Ouais, donc Liverpool vainqueur, on peut enchaîner avec City peut-être. Ouais, City, ouais, quoi, qui va donc contre Brighton. Voilà, victoire de buts d'un, but d'Alvarez après un très bon travail côté gauche de Jérémy Doku, hein, le Belge, l'ancien Rennais qui est arrivé à City cet été, qui décidément fait un très bon début de saison aussi avec City sous ses nouvelles couleurs, et il a encore prouvé là, de par sa vitesse, sa technique, sa vista aussi. Donc non, franchement, deux coups super, qui offre un caviar à Alvarez à la 7e minute. Un but, ça c'est normal, hein, maintenant, but d'Alande évidemment à la 19e. Et puis réduction du score à la 113e d'Ansu Fati, prêté par le Barça pour Brighton. City qui se remet à l'endroit parce qu'ils ils étaient sur une série de deux défaites consécutives en championnat. Ils se remettent dans le droit chemin et City qui donc a repris la première place à Arsenal. Malgré le fait qu'il soit à égalité de points, de par le goal average, City repasse devant avec 21 points. Oui, parce qu'Arsenal a été donc tenu en échec à Chelsea hier. Ouais, puis ils se sont fait peur, Arsenal. Samedi, ouais. Arsenal qui s'est fait peur, hein, ils étaient menés 2-0 par Chelsea, c'était la surprise, hein, parce qu'évidemment, depuis un an, deux ans, Arsenal est bien au-dessus de Chelsea, ce n'était pas le cas il y a encore quelques années, donc 2-0 pour Chelsea jusqu'à la 77e quand même avec un but de Rice et Chelsea qui s'écroule en fin de match, trop tard qui égalise pour Arsenal à la 85e. Donc Chelsea qui aurait pu faire la vraie bonne affaire de cette 9e journée de Première Ligue après la trêve internationale, mais Arsenal qui a profité des lacunes des Blues. Et voilà, Arsenal qui du coup vont certes perdre sa première place, mais comme je l'ai dit, est toujours égalité avec City avec 21 points. Donc voilà, mais c'est très serré devant. Ouais, c'est super serré. Aston Villa qui est un peu la surprise aussi cette saison, qui est cinquième, ils ont deux points de retard sur City qui est premier et Arsenal. Donc, ouais, c'est vrai que ça se joue en deux points, ouais, de la première à cinquième place, c'est ultra serré. Newcastle qui met 4 pions encore une fois contre Crystal Palace 4-0. Newcastle, ils sont combien du coup? Ils sont 6e. C'est pas non plus. Hein. Ouais, ça remonte, c'est en train de remonter. Ils avaient fait un début de saison un peu mitigé. Et là, ils s'en mettent bien, en tout cas depuis le match contre le PSG, ça va beaucoup mieux encore une fois. Puis il y a United, oui, qui a gagné aussi 2-1 sur la pelouse de Sheffield, but de deuxième victoire, il fallait. Ouais, c'est clair. Donc, but de McTominay, de Dalot pour United, qui remonte à la 8e place. Hein, parce que pareil, ils ont fait un mauvais début de saison, United. 5 victoires, 4 défaites. Mais ils sont en 8e, en espérant que ils soient sur une nouvelle dynamique positive. Et donc Tottenham, c'est en ce moment, c'est ça? Ouais, qui mène 1-0 avec un but de Son à la pause, donc face au Valham. Et en cas de succès, Tottenham prendrait la tête du coup? Avec 23 points et 2 points d'avance sur City Arsenal. Bon, ouais. Ça, c'est une belle opération qui est en train de se passer, même s'il reste une mi-temps face à Valham qui est 13e. Donc ce serait une très belle opération pour Tottenham si ça se confirme. Avec Valence mène toujours 2-0 aussi à la pause, face à Cadix. Saint-Pauli aussi mène toujours 1-0 et Saint-Etienne mène toujours 1-0 sur la pelouse de Laval, et c'est la mi-temps aussi. Voilà, donc c'est mi-temps partout. Alors ce qui est fou, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, c'est peut-être pour ça que j'y repense, mais c'est que Hugo Lloris est encore un gardien de Tottenham quand même, mais il joue plus, ouais. Mais il est plus du tout, même pas sur le banc, quoi. C'est fou ça. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin, c'est vrai que ces dernières saisons, en tout cas surtout après la Coupe du Monde, il s'est un peu effacé. Il y a eu, je crois, une ou deux boulettes, et puis après, je sais pas. Et il y a eu comme un tournant depuis qu'il a annoncé un peu sa retraite internationale aussi. Mais ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, c'est étrange. Ouais. Ne pas le revoir. Ça sera une fin de carrière un petit peu dans l'ombre, malheureusement. À moins qu'il puisse se relancer dans un plus petit club, évidemment, peut-être en France, pourquoi pas, en Ligue 1. Oui, pourquoi pas, ouais. C'est en fait ce que j'allais dire, mais putain, je l'ai pas dit, parce que je me suis dit que soit Lopez ou Lloris, c'est un peu le même niveau, je pense. C'est pas ça qui pêche, à Lyon. Et puis c'est pas ça le problème. Hein, d'ailleurs, c'est pareil, c'est une question que je me poserai toujours, c'est pourquoi Lopez il est jamais parti chercher un peu plus haut, quoi, mais un niveau plus haut que Lyon. Ouais. Parce que Lopez reste un bon gardien. On ne peut pas dire le contraire. Personne n'allait le chercher non plus aussi, donc bon. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est tout. Donc en classement, on le disait, City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Aston Villa. United est 8e, 15 points, Chelsea 10e, 12 points. En bas, Luton Town est remonté un petit peu, ils sont 17e, Burnley, Bournemouth et Sheffield. Pour l'instant, avec un seul point, ça va être long pour eux, probablement cette saison. Voilà pour l'Angleterre. Juste un mot, on n'en a pas parlé, mais on peut très rapidement revenir sur la petite trêve internationale avec notamment la victoire de l'équipe de France qui a gagné deux fois, une fois en qualif et d'ailleurs une qualification pour l'Euro qui est faite, et puis une fois en face à l'Écosse. Un petit ressenti sur ces deux matchs pour toi? Ouais, la satisfaction déjà contre le premier match, les Pays-Bas, c'est ça? Ouais, les Pays-Bas, oui. 2-1 pour la qualification. Ouais. Bah, c'est un bon match dans l'ensemble, complet. Je me recose la tête en réalité. J'ai pas vraiment de souvenirs, c'est marrant. Le blé d'Mbappé. J'ai les flashs un peu des buts, mais je sais que c'était un bon match quand même dans l'ensemble, avec de la maîtrise. Si, ça, je m'en rappelle un peu plus. En plus, on en avait parlé, je crois, il y a quelques jours, en off. Les deux derniers quarts d'heure de chaque mi-temps où on a pêché, où on a laissé beaucoup de place dans notre camp aux Néerlandais, et où d'ailleurs on aurait pu concéder un nul, mais dans l'ensemble, non, c'est un match complet, encore une fois, avec très bon match, un peu de tout le monde, hein, Tchouaméni, toujours aussi bon, à chaque fois que je le vois armer sa frappe en dehors de la surface, ça me régale, parce que je sais que ça va dans tous les cas être cadré, ou au pire, ça va pleurer la barre. Parce qu'il a mis une grosse frappe, hein, il a pas marqué, mais c'est contre l'Écosse peut-être. Ouais, c'est l'Écosse, ouais. Peut-être l'Écosse, ouais. Mais non, peu importe, un match complet contre les Pays-Bas, puis contre l'Écosse. Du coup, j'avais peur que ce soit un peu un match type, je sais plus c'était quoi le match le mois dernier amical. Ah bah l'Allemagne. Ouais, contre l'Allemagne. Ouais. Ou alors au final on n'a pas joué ce match-là, entre guillemets. J'avais peur que ça fasse pareil, surtout contre un adversaire comme l'Écosse, et que finalement c'était un match plaisant. Avec un doublé de Pavard, on s'y attendait pas. Pavard qui finit avec le brassard de capitaine après la sortie de Mbappé en fin de match. Non, c'est un match sympa, on a vu des belles choses aussi. Et puis forcément, on avait mis l'équipe type. Ouais. Pas comme contre l'Allemagne, mais forcément, c'est plus plaisant. Aussi, ouais. Donc une petite trêve, honnêtement. C'est vrai que j'ai souvent tendance à dire, comme beaucoup, que les trêves internationales, pour parler poliment, ça me fait un peu chier, parce que quand c'est pas la Coupe du Monde ou l'Euro, à la limite la Ligue des Nations, mais. On s'emmerde, quoi. Ouais. Généralement. Mais non, c'est une petite trêve vraiment sympa avec un bon jeu proposé par Deschamps et l'équipe de France, donc c'était cool. Et puis un petit mot rapide sur nos espoirs, un 9-0 contre Chypre, ça a souligné aussi. Oui, c'est vrai qu'ils sont placés aussi dans leur poule, ils sont premiers aussi, hein, de toute façon. Le niveau est. Ouais. Ouais, je pense qu'on est quand même relativement bien au-dessus, nous. Donc, d'ailleurs, 9-0, je crois que c'est la plus grosse victoire de l'histoire des espoirs, il me semble. Ouais. Il n'y a pas d'adversité. Ouais. Donc, très bonne performance. Mais je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux la causerie d'après-match de Thierry Henry dans le vestiaire. Il n'aura pas gueulé dessus, hein, mais Thierry Henry était vraiment pas content de la première mi-temps. Il y avait 4-0 hein, déjà à la mi-temps. Mais parce que je sais plus c'était quoi au milieu de terrain ils respectaient pas une consigne en gros, et Chypre avait un peu trop le ballon entre guillemets, et du coup à la mi-temps il leur avait dit je veux que Guillaume c'est le gardien, Guillaume reste de Toulouse, il a dit je veux que Guillaume en seconde période il ait rien à faire, il touche pas un ballon, et c'est ce qui s'est passé. Chypre n'est pas venu dans le camp des Français en seconde période, il y a eu 9-0 à la fin. Donc voilà, mais non, c'est juste pour dire que même après un 9-0, Thierry Henry n'est pas forcément content, mais certains l'ont peut-être déjà vu dans un reportage, je crois, qu'il avait fait, qui est mythique, j'ai plus la phrase exacte, mais il dit Sucy en Brie, un truc comme ça. Sucy en Brie, puis j'ai une connerie, hein. 28 août 95. Et puis il parle quand il était gosse comme ça, il raconte une anecdote où il a mis 5 ou 6 buts dans un match. Et il raconte en fait qu'il s'est fait engueuler par son père parce qu'il a loupé un truc, tu vois. Ouais. Alors qu'il a mis le mec, il a mis 6-7 buts en un match, quoi. Et en fait, on ressent un peu cette mentalité-là dans cette causerie que du coup, je t'encourage à aller voir rapidement après. Hein. Mais je pourrais dire ça, l'anecdote. Thierry Henry, perfectionniste en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est bien. Oui, c'est bien, bien sûr, c'est positif. Hein. Non, du tout. Et donc les Bleus, après cette qualification en poche, il aura besoin d'une victoire quand même pour s'assurer un statut de tête de série, on rappelle, pour le tirage au sort, puisqu'il faut terminer parmi les 5 meilleurs hein, sur les 10 groupes de qualif pour être tête de série. Aux côtés de l'Allemagne, qui est de dire aussi tête de série, évidemment. Il faudra gagner soit face à Gibraltar, soit face à la Grèce, ça devrait pas poser trop de problèmes. Pour être tête de série, c'est important hein, pour s'éviter un. Parce qu'il y en a combien des têtes de série? Il y en aura 6. Parce qu'il y aura 6 chapeaux de 4. Hein. Oui, 6 chapeaux de 3, par exemple. Ah, il y a que 6 groupes. Attends. Il y a que 6 groupes, oui. Ah, on est revenu. Putain, le cas, je suis perdu. Ah, 24 équipes. Ah, on n'a plus un format. Parce qu'en 2016, c'était 32, non? C'est ça? Non, 24 déjà. Avec des 3 avec des meilleurs. Ah oui, c'est ça, oui, pardon, oui, c'est vrai, ça va, autant pour moi. Ça donc, ouais, tête de série, c'est important, on ne peut pas se retrouver comme en 2021 avec l'Allemagne et le Portugal en groupe. Hein. Donc, ouais, c'est clair. Important. Donc, c'est clair. Le tirage est 2 décembre, ça approche. Voilà, donc il faudra. Ça ne devrait pas poser problème, normalement, si tout va bien. Très, très rapidement. Concernant ces qualifs, pour l'instant, on a l'Espagne et l'Écosse qui sont en bonne place pour se qualifier. Voilà, ça, normalement, ça devrait se faire. Les Pays-Bas et la Grèce vont se disputer probablement l'autre ticket dans le groupe de la France. Voilà, l'Angleterre est qualifiée. L'Ukraine et l'Italie vont se disputer le ticket, mais l'Italie est pas bien. Hein. Non, ils sont encore pas sûrs de. Ouais, non, mais c'est ouf. J'ai l'impression que ça va jamais les quitter, cette malédiction. Et il faudra jouer l'Ukraine en plus en dernier match, ce sera certainement le match de la qualif hein, probablement. Ouais, c'est probablement. Alors l'Ukraine parfois me surprend parce que là on se dit encore une fois dans cette période de guerre, voilà, c'est un peu comme le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, voilà, c'est un peu la cible facile au final parce que des joueurs sont pas forcément flamboyants, c'est des joueurs locaux, puisque voilà, il n'y a plus de joueurs étrangers quasiment là-bas. Donc c'est sûr que ça peut être bénéfique comme ça ne peut pas l'être aussi parce que ils peuvent avoir une motivation en plus comme c'est justement des joueurs locaux, enfin très locaux je dirais là-bas. En sélection ukrainienne forcément, hein, il y a trois pas d'étrangers en sélection, mais voilà, ouais, l'Italie non, ça va être compliqué, enfin, c'est faisable, ils sont quand même favoris, je pense, dans le fond, mais ça va être compliqué encore, ouais, c'est clair. La Turquie qualifiée, ensuite on a Pays de Galles, Croatie pour l'autre billet. On a l'Albanie, la République tchèque et la Pologne. Et même la Moldavie qui peuvent se qualifier. Hein. Là dans ce groupe tout est ouvert, hormis les îles Ferré qui sont loin, mais sinon les quatre peuvent se qualifier. Et puis on a aussi la Belgique qualifiée, tout comme l'Autriche, ça s'est joué. Hein. Ça y est, ce groupe-là est fini. La Suède n'ira pas plus loin. Hongrie, Serbie aussi qualifiée. Et puis on a enfin Slovénie, Danemark qui est en très bonne voie pour se qualifier, le Kazakhstan qui a encore une petite chance mais ça va être compliqué quand même. Et puis enfin on a Roumanie, Suisse, voilà, normalement qui devrait aussi passer la suite, et le Portugal aussi invaincu hein, comme la France. La Slovaquie aussi devrait se qualifier pour la deuxième place de ce groupe. Et puis on a, ça y est, c'est fini pour la Norvège par contre hein. Qui n'ira pas à l'Euro malgré Ah ouais, ouais. J'avais pas suivi. Ouais c'est ça. Ils ont marqué notamment allant des j'ai oublié de garde ouais, qui ont marqué, mais ça n'a pas suffi et donc la Norvège est terminée. Ils n'iront pas à l'Euro une nouvelle fois. Ça a d'ailleurs rien à voir, mais ça me fait penser à ça du coup, parce que comme normalement ça va être ça et qu'il va se faire voler. Il paraît que parce que le Ballon d'Or, la cérémonie, c'est dans une semaine. Et ce serait d'après plusieurs médias, et là c'est quasiment officiel, c'est bien Messi qui va emporter son 8e Ballon d'Or. Ah ouais, alors je vous dirais bien ce que j'en pense, mais bon. Ouais. Je pense que Haaland était pour moi le favori. Enfin pour moi c'était lui quoi. Enfin bon bref. Ouais. Ouais, c'est. Ah mais il gagne la Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup je crois, ou je sais plus laquelle, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Première Ligue, enfin le gars il a tout défoncé son passage, mais non. Ouais. Bon bah pas de surprise malheureusement, encore une fois, mais bon. Bah oui et non, oui, alors, surpris oui, enfin entre guillemets, parce que pour moi ça pouvait pas être Messi. Mais surpris, du coup, non, oui, parce que bah, on connaît un peu les rouages maintenant, quoi. Ouais, mais bah oui, c'est pas. Ok, bon bah on verra dans une semaine, du coup. Juste deux secondes aussi pour finir sur l'Angleterre, parce qu'on est ça fait longtemps qu'on n'a pas reparlé, mais la semaine prochaine il y a derby mancunien entre United et City en tout cas. Ah oui, voilà, c'est ça les affiches, ouais, bah ouais. Ok, très bien, bah on suivra ça. Et c'est dimanche 16h30. Ouais. Ok. Et puis une dernière info concerne les qualifs de l'Euro. Belgique-Suède ne sera pas rejoué. Hein. On rappelle qu'ils avaient été arrêtés à la mi-temps après l'attentat. Hein. Eh bien, ouais. Il ne sera pas rejoué, donc ça s'arrête à un partout. Donc un point chacun. Et donc pas de match rejoué pour cette rencontre. Très bien, on va revenir. En Europe avec les affiches tiens de cette semaine en Ligue des Champions, il y a des affiches qui nous attendent. Alors on en a parlé évidemment, le Paris Milan qui sera l'un des matchs attendus avec c'est un peu le choc hein, de la journée, j'ai envie de dire. Ouais. De la journée de Ligue des Champions en général, c'est le choc hein. Je pense que je regarde les autres affiches pour être sûr que je dis pas trop de bêtises, enfin, je dis pas de bêtises, mais oui, c'est le choc. Hein. Paris-Milan, c'est un gros match, deux grosses équipes. Ouais, je regarde ça d'autres. Il y a Lens qui recevra le Eindhoven. Hein, oui, bien sûr, demain. Ouais. Qui est leader, hein, d'ailleurs, les Lensois. Donc ça, c'est intéressant aussi à suivre. Hein. Ce sera demain et puis Paris, ce sera mercredi du coup, ouais, c'est ça. Je regarde. En tout cas, attention au PSG quand même demain. Ça va être un gros match, je pense. Ah ouais. Si je devais retenir un autre match, honnêtement, je mettrais Galatasaray-Bayern. Bayern, parce que c'est Bayern évidemment. Et puis Galatasaray qui fait un bon mercato et fait un bon début de saison aussi. Donc, ça peut être une belle affiche aussi. En plus, à 18h45, donc ceux qui veulent regarder Lens à 21h, ils peuvent se mater un petit Galatasaray-Bayern et je pense que ce sera plaisant à 18h45. Et puis mercredi, enchaîner avec le PSG. Bon, il n'y a pas d'autre affiche, c'est vrai que c'est pas une grosse, grosse semaine. Bah, à part du coup Newcastle-Dortmund dans le même groupe que le PSG, puisque c'est le groupe de la mort, donc c'est l'affiche, une autre affiche aussi, quoi. Mais sinon, ouais. En Europa League, Marseille recevra Athènes jeudi, donc ce sera 18h45, notez bien. Ce sera le premier match de la journée, de la soirée. Et puis Toulouse ira à Liverpool. Hein. Ça, ce sera jeudi soir à 21h. Ouais, c'est costaud. Ouais, et Toulouse qui est deuxième avec 4 points. Donc c'est un match intéressant pour Toulouse. Ça va pas être simple. Et enfin, Rennes ira au Panathinaikos aussi à 21h. Bah, ce sera le deuxième contre le leader contre le deuxième. Pour Rennes aussi, ça serait important de gagner. Donc tout ça, c'est jeudi. Et puis enfin, en Europa... Lille. Voilà, Lille. Voilà. Ouais, pour Lille, voilà, la dernière coupe. Lille, ce sera aussi à 18h45 en même temps que Marseille, face à Slovan Bratislava. Donc Lille, pareil, à 4 points, reçoit le leader. Donc, aussi, c'est des enjeux importants pour tous les clubs français dans toutes les coupes, en fait, hein, parce que tout le monde est bien placé, si tout le monde est bien placé, donc tout le monde a des enjeux différents, donc il va falloir être costaud, évidemment, dans ces rencontres, donc mardi, mercredi et jeudi. Une dernière info, le Bayern Munich et également Galatasaray et AEK Athènes, pardon. Ils ont été condamnés à des amendes pour des mauvais comportements de supporters hein, dans les derniers matchs de Coupe d'Europe avec les fumigènes. Donc pas de huis clos mais des amendes pour ces clubs. Notamment autour de 50 000 euros. Bon, c'est broutille, mais. Oui, c'est pas grand chose. Très bien, pour la Coupe d'Europe cette semaine, donc on parlera à l'agenda tout à l'heure, mais de belles affiches. Et on termine avec la France. Revenons sur tout d'abord le championnat national. A noter que l'USO a enchaîné une troisième victoire consécutive en s'imposant à domicile face à New York deuxième, donc 4-2. L'USO qui fait un petit bond en avant avec cette victoire et passe 9e. C'est que cette année, 6 descentes à nouveau en national, ça veut dire qu'il faut terminer 12e pour se maintenir. Non mais n'importe quoi. Il y a un tiers du championnat qui se tire encore cette année. Bah ouais, non, mais c'est impressionnant. Donc 9e, c'est rien du tout, mais c'était bien d'enchaîner ces 3 victoires pour l'USO. Le Resta reste leader, puisque qui a gagné tout à l'heure, on le disait, 2-0. 28 points, 8 points d'avance sur le deuxième déjà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ils sont déjà bien, hein, ouais, bien placés. Ouais. C'est, oui, c'est l'équipe d'Abid Bay, ça. Hein. Ouais, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Ouais. Niort deuxième, Villefranche troisième, bon, il y a un petit peu Le Mans aussi dans le coup, hein, cinquième, 18 points. Rien n'est fait. La 12e journée qui verra l'USO se déplacer à Marignane Gignac. Voilà, ce sera. Donc vendredi face au 15e du championnat. Donc pourquoi pas enchaîner encore un 4e succès consécutif. En Ligue 2 maintenant. La Ligue 2 avec toujours en direct d'ailleurs Laval Saint-Étienne, 1-0 tour pour Saint-Étienne qui tient hein, son résultat pour le moment. Il reste encore une grosse demi-heure, donc rien n'est fait. Mais pour l'instant c'est un beau résultat qui se profilerait. Auxerre, un partout à l'extérieur à Caen, mais qui reste toujours dans le coup hein, pour l'instant. Tout va bien. Pour Bordeaux, par contre, ça va moins bien. Défaite à Angers 2-0. Voilà, qui est plus serein désormais avec cette défaite. Qu'est-ce qu'on peut donner comme résultat De toute façon, Bordeaux, ils étaient déjà pas très sereins. De toute façon, ils sont 15e là. Ouais, encore moins serein. C'est un peu catastrophique ce qui se passe par rapport à l'année dernière, je veux dire. Ouais. Ouais, ça, c'est compliqué encore pour Bordeaux qui va devoir jouer le maintien. Laval de son côté est toujours leader hein, malgré pour le moment ce résultat négatif en cours, mais c'est pas fini, donc il pourrait en cas de victoire en plus prendre 5 points d'avance. On verra. Angers deuxième avec sa victoire face à Bordeaux. Auxerre troisième, voilà, rien n'est joué. Saint-Étienne sixième pour le moment, mais qui pourra se replacer en cas de victoire à la 4e place. Et puis, pardon, tu disais Bordeaux 15e, pareil, il y a 6 descentes, donc ça va faire beaucoup. Et en bas 3, Valenciennes. Il y a 6 descentes aussi là. Ouais, ouais, pareil. Hein. Ah ouais, je suis pas la Ligue 2, il faudrait que je m'intéresse plus, mais ah oui, il y a 6 descentes aussi, d'accord. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Ah oui, donc Bordeaux est relégable alors là. Pour le moment, à l'heure actuelle, ouais, c'est ça. Valenciennes, okay, et Dunkerque pour l'instant relégable. Et bah, on termine évidemment avec la Ligue 1. Ligue 1 est donc la 9e journée qui démarrait par vendredi Le Havre Lens qui ouvrait le bal. Bah, pas de but, voilà, pas de vainqueur, pas de but dans cette rencontre. Assez terne, hein, assez fermé. Et on n'a pas vu des grands Lensois. Hein, Non. Le score est fermé, mais non, le match n'était pas si fermé que ça. Il y a eu pour preuve 14 tirs à 13 en faveur du Havre. Non, c'était un match assez plaisant, honnêtement. Mais oui, pas de but. Après, c'est plus dans la finition que ça a pêché. Même s'il y a eu un but de Sotoka en fin de match pour Lens, évidemment, il y a eu hors-jeu, donc il n'a pas été comptabilisé. Donc c'est pas un résultat qui satisfait les deux équipes, mais bah, c'est un match assez ouvert du coup. Au contraire. Alors. Voilà, c'est ça. Bah, je vais animer l'émission et puis tu rentres. On fait comme ça. Allez, ciao, à la semaine prochaine. non, c'est un bon petit match. Mais voilà, oui, c'est un 0-0, un score qui ne reflète pas forcément la physionomie du match. Mais surtout, ça n'arrange personne. Hein. Lens qui est toujours quand même sur une bonne dynamique, mais qui piétine toujours un petit peu en championnat. Donc voilà, en espérant que ça reste quand même de bon augure pour demain contre le PSV. Oui, c'est vrai qu'il c'est un peu comment dirais-je je sais plus le terme que je voulais dire, mais c'est de voir une équipe Lens qui ressemble pas du tout à celle de Coupe d'Europe, c'est un peu paradoxal, voilà, je vais chercher le terme. C'est un peu ça, même si depuis justement le début de la Ligue des Champions et donc depuis cette première bonne performance contre je sais plus c'est quoi qui premier match en Ligue des Champions. Arsenal c'était le deuxième, le premier c'était Séville, voilà. Oui. C'était un peu leur premier bon match de la saison contre Séville. Après, ils se sont mis un petit peu dans le droit chemin, même en championnat, même si au final ils avancent toujours au ralenti, hein, ils sont encore que 15e. au bord de la zone rouge. Mais ça reste de bonnes performances qu'ils font, mais comme, ouais, comme je l'ai dit, dans les résultats finaux, à chaque fois, c'est pas ça qui est ça. Donc ils avancent vraiment ralenti. Ils reculent, donc on peut même pas dire qu'ils avancent au classement. Mais c'est vrai que oui, c'est quand même plus tranchant en Coupe d'Europe, quoi. Oui. Oui, c'est ça, c'est bizarre. Enfin, ils mettent pas les mêmes ingrédients en championnat. Et bon, après, c'est long une saison. Je sais pas s'ils font une belle perf en Coupe d'Europe, il faudrait pas que ça leur coûte trop cher en championnat non plus, quoi. Ouais. Surtout ça. Bon, on suivra en tout cas la suite. Ce sera pour Lens demain, et puis ensuite ils iront. Ils recevront Nantes. Bon, samedi, on en reparlera après. Samedi dernier, donc Paris-Strasbourg, avant le match du Milan, tout va bien pour Paris, qui a fait le boulot avec une victoire 3-0, sans trop forcer, on va dire. Ouais, non, sans trop forcer. Ils ont été efficaces, hein, 3 buts en 8 tirs en tout dans le match, très efficace. Mbappé très bon aussi. En tout cas, lui, on sent que ça lui a vraiment fait du bien, la trêve internationale. Ouais, c'est vrai. Il a marqué à chaque match contre les Pays-Bas et l'Écosse, et il a remarqué évidemment samedi contre Strasbourg avec le PSG sur penalty, et puis il a délivré une belle passe décisive à Carlos Soler à la 31e pour le 2-0. Donc il a fait son match aussi, Mbappé. Il est en pleine bourre, en pleine confiance cette fois-ci pour le grand match contre l'AC Milan. Victoire nette 3-0. Le boulot a été fait pour le PSG qui du coup est troisième. Oui, tout à fait. Troisième pour le moment. Nice-Marseille, c'était une belle affiche samedi soir. Avantage à Nice qui a réussi à marquer un seul but, mais qui a suffi en fin de rencontre. Et donc ça fait 1-0 victoire, et puis à noter que Marseille a fini à 10 cette rencontre. Justement, c'est à l'inverse du match entre Le Havre et Lens. C'est que la belle affiche sur le papier qui était Nice-Marseille, ça a été un peu une purge. Enfin, c'était un match terne, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions en réalité. Comme tu l'as dit, carton rouge, second carton jaune pour Balerdi à la 79e. Et puis qui a mis un coup franc aux abords de la surface côté droit pour Nice. Et voilà, coup franc, centre, tête de Guessant et but. Donc c'est la faute qui nous a coûté le match et le carton rouge aussi. Je vais pas revenir dessus, c'est l'effet de jeu. Mais bon, Balerdi, je crois que je l'ai dit plusieurs fois ce que je pensais de lui sur cette antenne. Donc j'ai pas plus perdre mon temps comme ça, mais péché, quoi. Pardon. On a encore ralenti Marseille, c'est le cœur qui parle, hein. C'est le cœur du supporter qui parle. On est au ralenti sur le papier, on a une bonne équipe, on a une attaque sur le papier de fou, et ça match toujours pas, Gattuso, la sauce prend pas. C'est très compliqué pour l'OM en ce moment. Donc très mauvais résultat contre Nice, quoi, ouais. Mais pas pour Nice, par contre, très bon résultat pour eux. Bah oui, qui reste invaincu et qui reste sur le podium. On verra aussi au classement après. Le derby breton dimanche à 13h, c'est Lorient-Rennes. Et Rennes qui enchaîne une deuxième défaite consécutive et surtout qui est sur un side d'une seule victoire en 5 matchs, qui est un petit peu dans la crise. Malgré une égalisation, ils ont concédé ensuite le deuxième but avant la pause, et c'est les Lorientais qui sortent vainqueurs, et pour Rennes c'est compliqué, en plus sur la Coupe d'Europe à jouer, donc c'est pas ça arrive pas au bon moment, cette petite crise. Il va falloir vite rebondir pour les Rennais. Je sais pas si t'as autre chose à ajouter sur ce match. Non, c'est honnêtement le dimanche après-midi, j'ai pas suivi vraiment les matchs, je suis pas forcément revenu dessus depuis, j'ai rien de plus à ajouter, à part que pareil, un peu comme l'OM, quand je vois sur le papier l'attaque rennaise, franchement ça me donne très envie, Gouiri, Kalimuendo, Blast, mais pour l'instant c'est une crise, et ils avancent plus non plus les Rennais, ouais. On a Lille ensuite qui recevait Brest. victoire une nouvelle fois des Lillois, surtout grâce à une belle défense. Et voilà, un petit but en début de match, ça a suffi pour s'imposer. Et puis pour Brest, par contre, petit coup d'arrêt, qui n'avait plus perdu depuis fin août. Ça faisait un petit moment, mais ça y est, donc une défaite et pour Brest qui reste cinquième malgré tout, hein, et qui est bien placé pour le moment dans ce classement. Toulouse-Reims ensuite, match nul un partout, voilà pour cette rencontre. Pas grand chose à dire, voilà, il y a eu quand même trois poteaux à noter pour Reims, voilà, et qui finit par ouvrir le score juste après l'estière, autour des estières. Et puis Toulouse qui a égalisé dans la foulée. Voilà, après quelques parades du gardien Rémois, qui permet de sauver un point. Voilà, ça fait un partout. Et pour Reims, pareil, c'est toujours une belle sixième place, qui sont assez dans le coup pour le moment. Toulouse toujours au milieu de tableau, hein, dans le ventre mou de ce classement. Nantes aussi qui enchaîne 4 victoires sur les 5 derniers matchs pour les Nantais, ça va très bien, voilà, qui après cette trêve n'a pas stoppé sa série, hein, ça va bien. Montpellier en revanche est plutôt l'inverse, hein, qui est dans une très mauvaise série. Match solide pour Nantes, avec encore Mollet buteur, voilà, donc 7ème place pour Nantes, qui va bien mieux que la saison passée, et voilà, qui est sur une bonne dynamique. Et pour finir, avant de parler des Lyonnais, Monaco qui avait vu sa première place peut-être lui échapper après la victoire de Nice, mais finalement Monaco qui a fait le travail malgré une ouverture du score, je passe ta vue, de Metz, de Camara. Ouais, à 54 mètres, ouais, j'ai vu ça. 58 mètres, ouais, le lob magnifique. 58 mètres, ouais. Et voilà, petit moment de déconcentration pour Monaco, mais qui est revenu, comme très souvent depuis le début de saison, par Golovin, hein, qui est un petit peu l'homme en forme, le maître à jouer. Bah ouais, c'est le joueur indispensable de Monaco, et c'est encore grâce à lui qu'il a fallu s'en remettre pour s'imposer 2-1 avec deux beaux buts. Enfin, surtout le premier, hein, Lucarne. Frappe au-delà de la surface, puis un beau coup franc aussi, malgré on peut dire une petite erreur du gardien messin, mais voilà, Golovin qui permet à Monaco de reprendre la tête du classement. Et puis les Lyonnais encore dans la crise, qui s'incline 2-1, hein. Voilà, encore une nouvelle défaite, qui a toujours pas gagné en Ligue 1. Et qui est toujours dernier, et on sait pas jusqu'où ça va aller, en fait, où ça va s'arrêter, cette série. Bah, c'est pas quelque chose, parce que je pense qu'on va en parler, on va en parler en fin d'émission, mais de nos pronos, on a dû t'en rattraper en plus, okay. Ouais. Mais j'avais retenté de mettre une première victoire aussi, de Lyon. Bah, moi aussi, hein. Je me suis dit quand même. Et je les ai mis, je crois que je les ai mis à toutes les semaines, hein. Depuis qu'on n'est pas revenu, je les ai tentés, mais... Je sais que j'avais une période comme ça avant qu'on ne soit plus à l'antenne, mais où j'avais mis un ou deux matchs où je me disais, bon, allez, là, ils vont gagner. Et après, j'ai arrêté, du coup, je me disais, non, ça n'a pas l'air de vouloir venir. Là, je me suis dit, bon, c'est le match où il faut se relancer, parce que c'est Clermont, c'était aussi la seule équipe avec Lyon qui n'avait pas encore gagné en championnat. C'était vraiment le match pour se relancer, en fait. Et non. Oui, c'était le match idéal. Toujours pas mal. Oui, sur le papier, ouais. Mais donc finalement, il y avait 2-0 à la mi-temps déjà pour Clermont. Puis alors, je sais pas si t'as vu. Moi, j'ai pas vu le match en direct, mais j'ai vu les images après. Victor Bilionnet à la 52e, donc ça compte son camp de Ogier. En plus, oui. Je sais pas si t'as vu, mais ils ont célébré comme s'ils avaient gagné la. Ah oui. Comme si c'était qualifié en finale de Ligue des Champions. Ils ont tous célébré. C'était à fond. C'était presque lunaire à voir, quoi. C'est vrai que 7 buts marqués seulement, c'est la pire attaque, hein, de Ligue 1. Avec Clermont, et c'est la pire défense aussi, hein. 18 buts. Ah, il y a Lorient qui a 19, c'est la deuxième pire défense. C'est très très compliqué pour Lyon. Voilà, qui est un peu plus dans la crise, encore une fois. Le classement, donc toujours Monaco, leader 20 points. Nice suit bien la cadence, 19 points. Paris, elle revient bien aussi, 18 points. Après, il y a un petit creux avec Lille, 15 points. Brest, 15 points. Reims, 14 points. Nantes 14 points, Nantes qui est 7ème, Marseille 8ème, 12 points. Il y a un petit écart. Ouais. Ça y est. Ils ont... ouais, ça y est, ouais. Bah, une seule victoire sur les 5 derniers matchs avec 3 défaites, ça fait beaucoup. Hein. Ah ouais, bah là on est vraiment sur une mauvaise dynamique, c'est fou. Donc, va falloir se réveiller la semaine prochaine, et c'est là où j'ai peur. C'est que c'est l'Olympico la semaine prochaine, Marseille et Lyon. Ouais. Et j'ai peur que ce soit nous qui leur offrons leur première victoire de la saison. Vraiment, je le sens comme ça. Les Lyonnais qui vont être surmotivés parce que c'est le match un peu de la saison là. Et puis nous voilà, pas en confiance. Alors j'espère qu'on va quand même gagner en Coupe d'Europe contre Athènes, pour justement leur donner un peu de confiance et une victoire dans les pattes. Mais j'ai trop peur qu'on leur offre la première victoire et que voilà, enfin bref. Donc j'espère qu'on va se relancer contre Lyon du coup semaine prochaine, quoi. C'est le match où il faut qu'on se relance là. Ouais. On va en parler dans un instant. Après le reste du classement, Lens 15e, 9 points. Metz 8 points. Clermont 5 points. Et puis Lyon 3 points. On le disait dernier. Les résultats des pronostics déjà. Revenons. Ah, bah. Non, on va pas revenir sur les pronostics puisqu'il est parti, notre ami Hugo. Il va revenir avec nous. Normalement, le temps de refaire le petit réglage et va pouvoir revenir avec nous, j'espère. Hugo, s'il nous entend, il peut nous rappeler tout de suite pour revenir à l'antenne avec nous. Bon, on va essayer de récupérer Hugo. On va marquer une toute petite pause en attendant pour récupérer Hugo, et on revient juste après. Qu'est-ce qu'on va écouter, tiens, parce que du coup rien n'est prêt. C'était pas prévu, mais on va retrouver Hugo dans une poignée de secondes. On écoute quoi? Je ne sais pas. Proposez-nous si vous avez des choses tout de suite, en attendant que Hugo fasse son retour pour la dernière partie pour les pronostics. Tiens, on va écouter un petit YouTube très rapidement et on revient juste après dans 2-3 minutes, le temps de récupérer le réseau et Hugo surtout, et ce sera la dernière partie juste après cette toute petite pause. Waiting for you. We fall without De retour après cette petite trêve. Alors, on avait récupéré Hugo. Malheureusement, je crois qu'on vient de le reperdre à nouveau. C'est compliqué, très compliqué ce soir, la technique. Malheureusement, on va essayer de récupérer Hugo une dernière fois et on se retrouve juste après. Alors je pense qu'on a récupéré tout le monde. Est-ce qu'on on a Hugo? Non, malheureusement, on n'a pas Hugo. Voilà, on a quelques soucis, hein, comme je vous le disais, pour terminer. Malheureusement, l'émission est dans de bonnes conditions, puisque tout n'est pas encore au point, malheureusement. On va essayer de terminer avec Hugo. Est-ce que Hugo, tu nous entends? Le professionnalisme des mecs de l'INA. On a fait l'INA quand même, les gars. Alors, on a l'antenne, hein, Hugo. On a l'antenne, là. C'est pas possible. On est à l'antenne, je te confirme. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, oui. Oui, tu m'entends. Oui, je t'entends. Bon, bah, c'est le principal. On va finir comme ça, parce qu'on n'arrive malheureusement pas à finir... Avec le téléphone. Avec le nouveau matériel. Ouais, c'est pas encore tout à fait au point, comme je le disais. Donc, on va terminer comme ça pour ce soir. Je pense qu'on t'entend. J'espère qu'on t'entend bien. Essaie de parler un petit peu. Oui, bah je parle. Bah, normalement, avant que je fasse la mauvaise manip, on allait faire les pronos, du coup. Voilà, c'est, donc, toi, c'est toi qui as raccroché, en fait, c'est ça. Bah, j'ai cru que c'était la fin de l'émission. Oui, bravo. Bah, mauvaise manip, j'ai vu un bouton rouge, je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant, et sans raccrocher. Donc voilà. Bon, on va terminer comme ça, on t'entend même mieux, j'ai l'impression, donc on va finir comme ça. Ah, parfait. Donc, les pronos. Petite question aussi, si on passe au pronos rapidement. Est-ce qu'on fait des, comme on avait dit, peut-être des pronos vite fait Ligue des Champions, on verra la prochaine fois. J'ai pas prévu là, malheureusement. Ça m'arrange pas, quoi. Ouais, à la limite, quoi. Ça m'arrange pas des masses. À la limite, juste pour le fun, on fait juste Lens et Paris. Et... Allez, bah, ok, donc Paris-Milan, moi je miserais Paris. Mais un score, non, pas de score, juste le match, juste la victoire ou pas. Comme tu veux, c'est toi le boss. J'ai pas de score en tête, je vais dire juste victoire de Paris. Ouais, victoire. Moi, je tenterais bien un petit score pour la Ligue des Champions, ça compte pas dans les points, on peut tenter un score exact. Bah, tu veux mettre quoi alors? Si ça. Comme score. Moi, je mets 2-1 PSG. Ok. 2-1 PSG, et bien 3-1 PSG, allez. Soyons fous. Et puis Lens qui fait quoi déjà Lens? Je sais plus demain. Contre le PSV. Ah oui, qui reçoit le PSV. Ouais. Match nul, moi je dirais. J'ai pas envie de parier contre Lens, mais le PSV me fait un peu peur. Je sais pas trop. Ouais, je mets un partout aussi parce que j'ai pas envie qu'ils perdent. Et je mets un partout. Allez, match nul aussi. Très bien, bah on verra pour ça. Et puis pour la Ligue 1, les résultats déjà des journées précédentes. On s'était arrêté. Je crois que c'est. Je sais même plus. Septième journée, je crois. Ouais, un truc comme ça. Peut-être même la sixième. La sixième, on avait déjà. Donc septième journée, pas de vainqueur, 4 partout. Oh, voilà. C'est amélioré. Alors, si, huitième journée, alors là, une petite branlée, 6-1 pour Rémi. Pour moi donc. Voilà. Ah bon? Ouais, oui, 6-1. Ouais. Alors, il y a un match qui n'est pas fini, c'est Montpellier-Clermont hein, qui avait été arrêté. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Donc, pour l'instant, ce match-là, il n'a pas. Mais bon, ça ne changera pas la victoire. Désolé. Hein. Ouais. Et puis 9ème journée, 4-2 à nouveau pour ma faveur. Donc t'es sur une bonne série là. T'es sur une belle série. Ouais, je suis à l'image de mon équipe, c'est pour ça. C'est ça. Bon, elle va se tenter de se refaire. 10ème journée, on va tenter de la pronostiquer maintenant. Donc avec les matchs de vendredi d'abord. Enfin le match de vendredi. Ça démarre avec Clermont-Nice, donc vendredi soir, moi je vais mettre une victoire, Clermont qui est 17ème, Nice qui est 2ème, moi je vais mettre sans conteste Nice. Ouais, je tente Nice aussi. Je pense, hein, sans trop de surprise. Samedi. Après, est-ce que ça peut pas changer Clermont qui se réveille après cette victoire contre Lyon, Nice qui pourrait chuter et de plus être invaincu. Tu sais, des fois. Ah, c'est peu. Hein. Et tout est possible. Ouais, donc c'est pour ça que j'hésitais, mais bon, je vais mettre Nice quand même. Allez, samedi 17h, on a Reims Lorient. Reims 6ème, Lorient qui est 12ème. Moi, je vais mettre Reims qui enchaîne. Ben, je mets Lorient. C'est ton droit. Je tente la lorientaise. C'est ton choix. Tout à fait. À 21h, on a Lens Nantes. À 21h, donc samedi. Lens 15e, Nantes 7e. Sachant que Lens joue demain. Il faut le prendre en compte aussi pour ce résultat. Moi, je vais mettre match nul. Ouais, je te suis aussi. Très bien. Dimanche, on aura Brest-Paris à 13h. Donc Brest qui est 5e, hein, Paris 3e. C'est une belle rencontre. Moi, je vais mettre Paris quand même. Même s'il joue mercredi. Ouais, moi aussi, ouais. Toi aussi. À 15h, on aura notamment Lille-Monaco. Lille 4e, Monaco 1er, c'est une belle affiche. Hein, et Lille joue jeudi, par contre, qui peut aussi avoir son incidence. Donc c'est pour ça que je vais mettre Monaco, moi. Moi, je me match nul. Ok. On aura encore. Ah, c'est vrai que j'avais pas pris en compte la Coupe d'Europe, c'est vrai. Ah oui. Je reste sur mon nul. Ensuite, 15h, Metz-Le Havre. On aura donc Metz-Le Havre. Metz qui est 16e, Le Havre 11e. Pas l'affiche du siècle, hein. Et je vais mettre match nul, moi. Non. Je tente Le Havre. Tu tentes Le Havre, très bien. Toujours à 15h, Montpellier-Toulouse. Montpellier 14e, Toulouse 10e. Mettre Montpellier, moi. Ouais, je te suis aussi. Toulouse qui jouera d'ailleurs jeudi aussi. Hein. Ouais. Eh oui, donc. Bah, Liverpool. Ah, Liverpool, ils vont peut-être y laisser des plumes en plus là-bas. Ah, donc pour ça que moi je mets. En plus, c'est un déplacement. Donc, il faudra revenir. Ça va pas être. Ça va être fatigant. Donc, moi, je mets Montpellier. À 17h, Rennes-Strasbourg. Rennes 9e, Strasbourg 13e. Même chose, Rennes joue jeudi. Moi, je vais mettre Rennes quand même. Ouais, bah j'allais dire pareil, je mets Rennes aussi. Je te suis du coup, hein, comme tu gagnes. Ouais. Voilà. Enfin, pas, mais pas tout comme moi, sinon ça va être du chiant. Ouais, mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Et à 20h45, moi, elle disait Marseille-Lyon. Est-ce que c'est le réveil lyonnais? Moi, je mets 2-1 pour eux, Marseille. Moi, je mets 8-0. Pour Marseille? Peut-être un peu optimiste là. Ouais, non, honnêtement, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le match qui me fait peur. Ça peut être un nul, hein, c'est bon, j'en sais rien, franchement. Ouais, mais en même temps, je suis pas du genre à parier contre mon équipe, donc j'ai forcément mettre une victoire de l'OM. Après, pour un score exact, match pourri, 1-0. 1-0 Marseille. Allez. Après, ça peut pas être pourri, c'est au Vélodrome, c'est l'Olympico, ça peut pas être pourri. Je pense pas, mais ouais, on a vu des matchs pourris avec Lyon 2. Ils ont joué beaucoup le dimanche soir, Lyon, et on a vu beaucoup de purges. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais, 1-0. Ouais. Ok, c'est noté. Et là, après cette deuxième journée, il y aura un petit bilan, un premier bilan de l'autofoot. Ok. Non. Ah, non. Non. Pas la peine. Pourquoi faire? Allez, l'agenda de la semaine, en attendant, je te laisse réfléchir au dernier titre. C'est bon, le bilan de Neymar. Eh bah oui, bah, voilà. Puisqu'on en parlait, le bilan. Bah oui. Bah oui. Voilà, c'est très bien ça. Bah, voilà. Dis donc. Parfait. T'as trouvé ça tout seul? Bah c'est marrant, c'est fou. Ah, c'est dingue. Pas très bon prono. Un peu de logique, mais pas très bon prono. Tiens, Saint-Etienne est toujours 1-0 face à Laval. Il reste rien du tout là, on est à la 95e. 96e, il devait y avoir 4 minutes additionnelles, donc c'est fini à l'instant. Voilà. Donc, belle victoire de Saint-Etienne qui intègre le top 5 après cette victoire. Tottenham mène 2-0 aussi. Face à Fulham, il reste moins de 10 minutes, donc pour l'instant, Tottenham est leader. Si ça en reste là. C'est ça, avec 2 points d'avance. Et ouais, ce serait un sacré coup fait par Tottenham. Valence mène 2-0 aussi face à Cadix. Il reste moins de 10 minutes, on devrait finir comme ça. Et Empoli, si gros coup qui gagne à Fiorentina 2-0, il reste quelques secondes, donc ça va s'arrêter là, avec des surprises ce soir dans ce direct. Ensuite, l'agenda, comme d'habitude. En football, on l'a dit, hein, toute la semaine, la Ligue des Champions. Lens demain déplace réception de Eindhoven. Paris reçoit Milan mercredi. Jeudi, tout le reste, Marseille, Rennes, Toulouse et Lille seront sur les pelouses pour essayer de rester bien classé comme c'est le cas pour le moment. Ouais, de gagner quoi. Voilà, ce serait c'est ça en résumé. Du football. En résumé, c'est ça. rugby samedi, finale de la Coupe du Monde à Stade de France, ce sera Nouvelle-Zélande d'Afrique du Sud. D'ailleurs, on a appris que c'était Wayne Barnes, arbitre britannique, arbitre anglais, qui serait aussi sifflé de cette rencontre. Et puis vendredi soir, on aura donc Argentine-Angleterre pour la petite finale, voilà, de cette Coupe du Monde qui se clôturera donc samedi soir. On aura qu'est-ce qu'on aura d'autre ensuite? On aura du tennis, je le disais cette semaine. Les deux mois de préparation avant le Masters de Paris la semaine prochaine, hein, voilà, les dernières préparations. En basket,

mes 50 ans. Extremamente delicioso e que depois é acompanhado do nosso